Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour la Red Arc du Sport. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission. Voilà, bien sûr, vous êtes sur la Red Arc du Sport. Je vous rappelle tous les lundis 20h30, 22h30. Alors, un petit peu de retard ce soir. Il y a eu quelques petits soucis de circulation, mais ça y est, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Donc, on sera bien sûr ensemble jusqu'à 22h30. On va essayer de faire un petit peu plus rapide ce soir. Il y a quand même beaucoup de choses encore à dire ce soir. Un beau programme. J'espère avoir avec moi ce soir des intervenants. Peut-être Sylvain, peut-être, je l'espère, pour la partie hand. Jérôme, avec qui on pourrait aussi faire un débrief de l'Open d'Orléans. On va de toute façon en parler. Mais peut-être avec Jérôme, s'il peut être avec nous ce soir. Voilà, en tout cas. Et puis, je vous rappelle aussi, pour nous écouter, c'est sur le 96.2 FM. Sinon, vous pouvez aussi nous écouter bien sûr sur le site radio-arc-en-ciel.com. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos de la radio. Et je vous rappelle aussi, pour nous joindre, c'est facile, hein, c'est sur le Facebook La Red Arc du Sport, ou bien sur le standard, hein, qui vous attend, 02 38 43 48 00, 02 38 43 48 00, pour bien intervenir avec nous en direct sur les sujets de ce soir. Voilà, en tout cas, pour intervenir, n'hésitez pas. Le programme de la soirée, je vous le fais assez rapidement puisqu'on va enchaîner assez vite derrière. Du foot, bien sûr, avec toute le week-end débrief, hein, européen. Angleterre, avec le derby mancunien notamment, les triplés d'Haaland encore avec City face à United. On aura bien sûr aussi le débrief en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en France bien sûr pour la Ligue 1. Tous les cadors globalement gagnés, sauf Lyon qui a encore chuté hier face à Lens, qui était là aussi des équipes en forme. Donc c'était deux grosses équipes qui se rencontraient, et une nouvelle défaite pour Lyon qui enchaîne un quatrième revers consécutif. Et tout le reste, mais ça a gagné, notamment pour Monaco, pour Paris, pour Marseille, pour Rennes notamment aussi, qui a gagné. Voilà, on y revient tout à l'heure bien sûr sur la page Ligue 1. Ligue 2 aussi, le point sur le classement et sur le championnat, et puis le championnat national également. Nouveau match nul de l'USO, tenu en échec un partout une nouvelle fois à domicile. On y reviendra, ça a un petit peu fait parler ce week-end encore, et on y reviendra donc tout à l'heure. La Ligue des Champions, c'est le retour dès cette semaine, ça y est, ça revient très vite pour la troisième journée. Les troisièmes journées des Coupes d'Europe, on fera le point complet sur tous les matchs de nos clubs français. Donc beaucoup de choses à dire sur cette page foot, bien entendu. On aura du tennis, bien sûr, je le disais, l'Open d'Orléans, le bilan de cette édition, 17e édition. Un Français qui a gagné en simple et des Français qui ont gagné en double. Bah bravo, en tout cas eux, Grégoire Barré, on en parlera. Et puis chez le double, c'est Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin qui se sont imposés. Et bien sur le tournoi du double, on y reviendra aussi tout à l'heure. En tout cas, une belle édition. La dernière au Palais des Sports aussi. Voilà, c'était aussi l'un des événements de cette édition, puisque l'année prochaine, si tout va bien, l'édition, la 18e aura lieu au Comet. On aura l'occasion aussi d'en reparler, mais c'était peut-être aussi une page qui se tournait au Palais des Sports depuis presque maintenant 18 ans. On y reviendra. Et puis les résultats aussi des tournois de la semaine hors Orléans, puisqu'il y avait d'autres tournois, notamment Tel Aviv, où c'est Novak Djokovic qui s'est imposé le Serbe, qui s'est imposé donc sur cette finale en battant Marin Cilic en finale. On y reviendra tout à l'heure. Un point sur le classement, puisque Rafael Nadal a repris la deuxième place du classement mondial. On y reviendra aussi tout à l'heure. Voilà toutes les résultats de ce point tennis tout à l'heure, avant bien sûr les tournois qui arrivent cette semaine. Voilà le programme tennis. du basket, bien sûr, on aura l'occasion aussi de redonner quelques infos. L'équipe de France féminine qui s'est arrêtée en quart de finale du mondial. Voilà, ça peut être une grosse édition malheureusement pour les Français. On va aussi en reparler. Du rugby, le point sur le top 14, évidemment. Handball aussi, un gros débrief. Gien, Saran, Fleury, voilà, toutes les équipes qui ont joué ce week-end avec différentes performances. On y reviendra aussi tout à l'heure, bien sûr. Et puis enfin, la suite et bientôt la fin des saisons mécaniques. MotoGP, malheureusement, ça s'est pas bien passé pour Fabio Quartararo, le français, qui néanmoins est toujours leader du classement, mais pour 2 points seulement. De la Formule 1 aussi, où Max Verstappen n'est pas encore champion du monde, mais il s'en approche encore, sur un Grand Prix qui a été beaucoup perturbé par les différents accidents, en tout cas pas un gros Grand Prix de Singapour cette année. Et puis également la fin pour le championnat du monde des rallyes, où le titre est joué, ça y est, pour Rovan Perä, le finlandais. On y reviendra aussi juste après, dans un instant, après une première pause. Voilà le programme de ce soir, beaucoup de choses, donc je vous le disais, il est déjà 20h50, donc on va pas traîner, on va marquer une première pause. Et donc juste après, on démarre avec plein de choses, donc et malheureusement donc pas de Sylvain ce soir pour le débriefant. Peut-être la semaine prochaine, on aura l'occasion, j'espère, de l'avoir assez rapidement. Allez, une première pause et on revient donc pour la première partie, donc avec pour commencer le débrief mécanique, où il y aura donc plein de choses encore à voir ce soir. Allez, c'est parti pour le son. Alors je vous le rappelle, vous faites la programmation tout au long de la soirée également. Et on va commencer avec ce premier titre choisi. C'est un titre déjà qui date de 2006 déjà. C'est Martin Solveig avec Rejection. A tout de suite. She keeps rejecting me. Martin Solveig à l'instant avec Rejection, c'était l'un de ses premiers titres. Retour donc pour eh bien cette première partie. Voilà, on rappelle plein de choses à voir. Je vous ai même pas annoncé les directs qu'on allait suivre ce soir. Il y a quand même pas mal qu'on va suivre tout au long de la soirée. Je vous les donne tout de suite. On va suivre la Ligue 2. C'est la 10e journée, dernière rencontre de cette 10e journée entre Laval 13e qui reçoit Bordeaux, qui est quatrième pour le moment. Et pour l'instant, c'est les Girondins qui ont ouvert la marque à la 5e minute. Ça fait 1-0 donc après 10 minutes de jeu. Pour suivre cette affiche, c'est sur Beansport 1. Voilà, en tout cas pour suivre en direct. On aura également du championnat anglais. Première ligue à partir de 21h dans 5 minutes maintenant. Entre Leicester. Leicester qui va très très mal. Hein. Qui est tout simplement dernier du classement. Leicester en ce moment qui réalise un début de saison catastrophique et qui reçoit Nottingham Forest, bah, qui fait pas non plus un gros début de saison, qui est 19e. Voilà, c'est vraiment un match de mal classé. Ce sera dans 5 minutes pour la 9e journée de cette première ligue et ce sera sur Canal Plus Foot pour suivre la rencontre. En Espagne, c'est la 7e journée de la Liga. Le Rayo Vallecano reçoit 12e, reçoit Elche Lanterne Rouge. Ce sera là aussi dans 5 minutes. Et ce sera suivi sur Beansport 6 pour suivre la rencontre. En direct aussi depuis 10 minutes, c'est la rencontre en Italie, la Serie A, la 8e journée. Entre Hellas Vérone 18e qui reçoit Udinese 5e. Pensons 0-0 après 10 minutes de jeu. Ce sera sur Beansport 4 pour suivre l'affiche. Et puis une rencontre qui s'est jouée tout à l'heure. On donne le score, c'est en national pour la 8e journée. Concarneau qui était leader et reste leader puisque Concarneau s'est imposé face à Châteauroux 2-0. Belle victoire qui permet, on verra tout à l'heure au classement, à Concarneau de garder la tête, notamment avec Dunkerque. On en parlera donc tout à l'heure, donc dans de la page foot national notamment. Voilà les directs de ce soir. Pour commencer, eh bien, avant de parler des sports mécaniques et de tout ce qui donc s'est passé ce week-end, il y a eu pas mal de choses. Un petit mot d'athlétisme. On parlait la semaine dernière de Kipchoge qui a battu son propre record du monde. C'était lors du dernier marathon hein, qui avait lieu à Berlin, qui avait battu son record. Un autre marathon avait lieu hier, c'était le marathon de Londres cette fois. Il n'était pas présent cette fois-ci, Kipchoge. C'était notamment la présence de Kipruto, qui s'est imposé d'ailleurs, le Kenyan, on le verra. Et puis également la présence de Bekele, qui lui était le grand favori de la course. Il a explosé dans les derniers kilomètres. C'est donc Amos Kipruto, le Kenyan, qui s'est imposé chez les hommes, alors que chez les femmes, et on en parlera après, mais d'abord chez les hommes, c'est donc Kipruto à 30 ans qui a remporté ce marathon de Londres en 2:04:39. C'était sa première participation d'ailleurs à Londres. Et on le disait, donc Bekele qui a donc explosé dans les derniers kilomètres, hein, 5e place seulement avec en 2:05. Alors seulement, c'est déjà une très belle performance, hein, 2:05:53. Mais c'est vrai qu'il avait l'ambition de gagner d'une part et puis aussi de battre son record son propre record qui était un temps 2:01:39. Mais voilà, une préparation qui a été tronquée par une maladie en milieu de semaine et voilà, ça n'a pas été optimal pour lui et donc il n'a pas pu faire mieux que cette 5e place en 2:05:53, donc une contre-performance, en tout cas une déception pour lui. Et on rappelle donc pour le moment c'est donc Kipchoge qui a réalisé son propre record en 2:01:09, donc nouveau record du monde après le marathon donc de Berlin la semaine passée. Voilà, c'était une belle course pour lui. Et voilà, il n'a pas réussi le Kenyan à faire mieux, donc Kipruto, lui qui s'est arrêté donc en 2:04:39. On est assez loin quand même, hein, des performances donc de Berlin. Et puis donc pour en ce qui concerne Bekele, donc lui 2:05:53, lui qui voulait battre son record, ça n'a pas été possible en tout cas. Et puis un petit mot du français Johan Koval, qui lui pour son premier marathon de sa carrière a réalisé une performance en 2:27:59, qui est déjà une très grosse performance. Donc pour la première fois lui il était ici pour son premier marathon, donc une belle performance malgré tout. Chez les femmes, c'est donc Yala A, 23 ans, qui a remporté son deuxième marathon en 2:17:26. 2:17:26, c'est ça. Malgré une chute à la mi-parcours, l'Éthiopienne qui a fait dans les 4 derniers kilomètres une attaque qui a permis de prendre le large et qui a terminé à 3 secondes de son record personnel. La tenante du titre, et qui était aussi la favorite, la Kenyane Jepsogei, qui elle a pris la deuxième place en 2:18:32, un petit peu plus d'une minute donc de la vainqueur du jour. En tout cas là, sur ce marathon de Londres, c'était hier. Hier aussi avait lieu à Olivier les foulées roses un petit peu partout en France d'ailleurs, tout au long du week-end. Et donc c'était hier ces fameuses foulées roses à Olivier, hein, qu'on a l'habitude de voir, et belle édition encore. Avec un temps assez correct, voilà, donc une belle performance. Avec noté aussi la victoire chez sur la grande course du 8 km de Brice Debord, hein, qu'on connaît bien ici à Orléans, le triathlète qui s'est imposé sur cette course donc des foulées roses. Donc belle performance du Français. Voilà pour ce court point athlétisme. On enchaîne avec les sports mécaniques. C'était hier le tournoi dans le championnat du monde des rallyes, puisque ça y est, le titre est joué dans ce championnat à deux rallyes de la fin, puisque c'est le Finlandais Kalle Rovan Perä qui s'est imposé non seulement dans le rallye de ce week-end qui était en Nouvelle-Zélande, mais qui a aussi, grâce à cette victoire, remporté le titre de champion du monde. Voilà le Finlandais, et qui s'est imposé donc devant Sébastien Ogier, qui on le rappelle lui va participer aux trois derniers rallyes, donc c'est le Français deuxième, et puis c'est Ott Tänak, l'Estonien, qui a terminé troisième de ce rallye. Donc Rovan Perä, premier titre de champion du monde, très jeune, le jeune Finlandais, hein, qui a seulement 22 ans, voilà, remporte son premier rallye, donc son premier titre de champion du monde des rallyes, et qui évidemment ne compte pas s'arrêter là. Et voilà, donc victoire sur ce Grand Prix et victoire sur le championnat. Il restera deux encore étapes avant la fin, hein, l'Espagne et la Catalogne, qui aura lieu fin octobre, et puis ensuite mi-novembre ce sera le Japon, voilà, pour conclure donc la saison de rallye. Autre championnat qui lui n'est pas joué, loin de là, c'est la MotoGP avec Fabio Quartararo qui est toujours devant, on le verra, hein, dans le championnat du monde. C'était de la Thaïlande au programme, avec un départ qui a été retardé à cause de la pluie, hein, longuement retardé, finalement départ qui a bien eu lieu. Et c'est la première victoire de Miguel Oliveira cette saison, le Portugais, qui s'est imposé devant Jack Miller, l'Australien, Bagnaia, troisième, l'Italien, qui reprend, on le verra, de gros points au championnat, puisque Fabio Quartararo a terminé seulement 17e dans un Grand Prix complètement raté, hein, voilà, et ça fait, on verra au classement, gros dégâts. Et puis c'est une belle performance aussi pour Juan Zarco, quatrième, hein, de ce Grand Prix Marc Marquez, cinquième, qui pourra lui aussi jouer les troubles faites pour cette fin de saison. En tout cas, au classement, le Français Fabio Quartararo est toujours leader, mais ça se joue à peu de choses puisqu'il n'y a plus que 2 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Et puis Alex Espargaro n'est pas très loin, hein. Il est à 20 points tout juste, donc lui aussi il peut encore se mêler au titre jusqu'à la fin de la saison. Mais maintenant le Français n'a plus le droit à l'erreur, et voilà, c'est clairement, et il va falloir être très très fort mentalement maintenant dans les 3 dernières étapes. L'Australie, ce sera le 16 octobre, enchaînera donc ensuite la Malaisie le 23, et puis enfin 2 semaines plus tard, le 6 novembre, Valence, pour conclure la saison. Le Français, là, est vraiment plus que jamais dos au mur. Il ne faut plus faire d'erreur. C'était un dernier joker qui a été brûlé ce week-end. Cette fois-ci, il va falloir finir devant à chaque fois. Donc on verra en tout cas dans cette prochaine suite de saison qui aura lieu donc d'abord le 16, donc l'Australie. Autre championnat qui est presque terminé et surtout en termes de classement, bah, c'est presque joué puisque c'est la Formule 1 avec Max Verstappen qui pouvait d'ores et déjà être champion donc du côté du Grand Prix hein, de ce week-end de Singapour. Ça n'a pas été le cas, là aussi un départ retardé d'une heure hein, pour la pluie et finalement eh bien ce n'est pas le cas puisque la victoire elle est revenue donc à Sergio Pérez, le Mexicain, qui s'est imposé devant Charles Leclerc, et la troisième place pour Carlos Sainz. Le Hollandais Verstappen seulement 7e. Ça n'a pas suffi donc pour être champion, mais en tout cas il s'en rapproche encore. Ça pourrait être le cas dès le Grand Prix du Japon. Les scénarios, donc c'est le 9 octobre, hein, donc c'est dimanche en fait. Hein. Ça arrive déjà assez vite. Pourquoi pas officialiser son titre, son deuxième titre dès ce Grand Prix. Les données sont simples hein, pour être champion et donc réaliser le doublé. Sur cette étape, Verstappen doit marquer 6 points de plus que Pérez et 8 points de plus que Leclerc. Ça, c'est la première donnée. Et puis sinon, pour être champion, c'est assez simple, il faut remporter le Grand Prix du Japon, mais aussi réaliser le meilleur tour en course, voilà, pour gagner le point bonus qui permettrait d'être champion dès ce Grand Prix. Peu importe le résultat de ces deux concurrents, hein. S'il s'impose et qu'il réalise le meilleur tour en course, c'est fait. Et s'il ne réalise pas le meilleur tour en course, il faudra avoir vraiment les places, les positions de ses adversaires. Voilà, ça c'est la donnée simple. Et puis l'autre donnée un peu plus complexe, c'est 6 points de plus que Pérez et 8 points de plus que Leclerc. Ça ne parle pas à beaucoup de gens, mais en tout cas l'autre donnée elle est simple. S'il gagne et qu'il fait le meilleur tour, c'est fait. Voilà, en tout cas les scénarios possibles au Japon. En tout cas ce sera juste... Si ce n'est pas encore au Japon, bah ce sera sûrement la semaine suivante. En tout cas, c'est imminent pour lui, hein, qui a ultra dominé la saison. Là, il n'y a pas de doute possible. Donc, ce sera le Japon. Il reste encore pas mal de courses derrière. Hein, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, et puis enfin Abu Dhabi. Voilà les prochaines étapes donc de cette saison. Et puis une dernière info qui concerne cette fois Sébastien Loeb qui est engagé cette semaine dans le rallye du Maroc, qui a vécu hier une journée noire, hein, qui a perdu plus de 20 minutes lors de cette première étape de ce rallye du Maroc. Et aujourd'hui ça s'est beaucoup mieux passé pour le Français qui a remporté la deuxième étape de ce rallye du Maroc et qui en plus a pris la tête du rallye. Un gros problème hier, donc triangle de suspension cassé et puis deux crevaisons lui a fait perdre beaucoup de temps, 20 minutes hein. Et aujourd'hui donc une deuxième spéciale très longue, 435 km il s'est imposé donc devant ses coéquipiers et qui lui permet avec notamment beaucoup de temps perdu par ses concurrents et puis notamment Nasser Al-Attiyah qu'on a pu aussi de lui voir en rallye dans le rallye Dakar et qui ont été victimes aussi de crevaison. Ça a permis aux Français de s'installer en tête de l'épreuve avec seulement 8 petites secondes d'avance hein, au général, mais il est devant en tout cas et pour l'instant ça se passe beaucoup mieux pour lui. Voilà, donc en tous les cas il sera demain évidemment, voilà, mais rien n'est joué bien entendu, mais on espère pour le Français pourquoi pas chercher un titre dans ce rallye. Voilà la petite info concernant donc Sébastien Loeb. Juste après on va faire un petit point sur les directs, juste après on aura l'occasion de faire un point sur le hand, il y a plein de choses à dire, mais avant cela les directs, donc c'est parti partout là sur toutes les pelouses hein. En Ligue 2, Bordeaux mène toujours 1-0 sur la pelouse de Laval et il reste maintenant 20 minutes avant la pause, on joue la 24e minute. En Angleterre, c'est Leicester qui reçoit Nottingham Forest, pas de but pour l'instant, 0-0, 8 minutes de jeu. En Espagne, Rayo Vallecano face à Elche, 0-0 également, après 8 minutes de jeu. En Italie, c'est donc Hellas Vérone face à Udinese, toujours 0-0 aussi après 23 minutes de jeu. Et voilà, les directs, c'est déjà beaucoup, hein, y a déjà pas mal de choses à suivre. Voilà les 4 directs donc de la soirée. On y vient, la page handball. Je disais, Sylvain, qu'on aura, j'espère, la semaine prochaine, qui n'était pas disponible ce soir. On va remonter d'abord en commençant par, par Gien, qui évolue dans National 1 encore une fois cette année. Voilà, qui s'est imposé ce week-end. C'était important aussi pour Gien de s'imposer dans cette rencontre, qui a battu Rezé 31 à 28 samedi soir, donc à domicile. Une belle victoire qui permet à Gien donc de gagner sa deuxième rencontre, deux défaites et un nul. Ça fait 10 points, donc 7ème place, tout juste à la moitié du classement. C'est plutôt bien pour Gien, hein, donc cette victoire en tout cas était importante. La suite eh bien passera par un déplacement à Mainvilliers. Pas très loin, Mainvilliers-Chartres, hein, c'est le derby hein, pour Gien. Donc déplacement chez le quatrième du championnat, qui a un petit peu, qui a, voilà, une victoire supplémentaire. Donc voilà, et ce sera une belle rencontre. Donc ce sera samedi, dimanche. Ce sera dimanche à 16h. Voilà, ce sera pas samedi comme c'est le cas régulièrement dans les rencontres de hand. Ce sera dimanche 16h, le déplacement à Mainvilliers-Chartres pour Gien. Ça c'est donc pour le championnat de National 1. On remonte avec la Pro League et Saran. Saran qui, de son côté, a réalisé une belle performance aussi en s'imposant sur le fil face à Dijon, 31 à 30. Voilà, c'était là, comme, en fait exactement le même score que la semaine dernière où Saran avait battu Besançon en 31 à 30. C'est deux victoires très importantes pour Saran. Sur les mêmes scores, des scores étriqués, mais ça suffit. C'était à domicile vendredi soir, qui permet donc avec cette victoire à Saran d'être quatrième avec 6 points. Mieux, c'est Ponto Combo avec 7 points et puis Bordeaux avec 8 points. Voilà les performances au-dessus. Mais en tout cas, c'était une victoire importante pour rester au contact du podium. La suite pour Saran sera un déplacement à Villeurbanne. On parle bien de hand hein, et pas de basket. C'est donc vendredi soir à 20h30. Villeurbanne qui est 12e, hein, qui a une seule victoire et 3 défaites. Donc là, la victoire, elle est, on le dit presque un impératif pour rester hein, au contact en haut. Et c'est évidemment l'objectif, la remontée immédiate cette saison. Voilà pour Saran. Chez les féminines cette fois, maintenant avec, et puis après on parlera de la Star League bien sûr, avec Fleury. Fleury donc c'était alors la dernière rencontre elle remonte un petit peu puisque c'était le 24 il y a deux semaines maintenant, c'était une défaite à Nîmes, un petit point 30 à 29, un petit but. Et Fleury qui reprendra pas tout de suite, hein, il y aura une trêve. Pourquoi? Puisque les filles sont en trêve internationale et la reprise ce sera semaine prochaine. Fleury là, va recevoir Clermont notamment. Pour l'instant, le classement il est à la 8e place pour Fleury, hein. 8 points qui va, on le sait, donc recevoir donc Clermont qui est 2e pour l'instant. Mais on le sait pour Fleury, là, la tension est ailleurs, hein, évidemment, avec toujours le même problème. C'est évidemment d'essayer de sauver sa place avec les finances qui pour l'instant sont bien à manquer. Voilà, en tout cas. Les problèmes pour l'instant que rencontrent les Panthères. mais bon, je le disais, il y avait un rassemblement de l'équipe de France féminine qui ont remporté une victoire face à l'Allemagne. C'est dans le cadre de la préparation à l'Euro qui s'est imposé 30 à 29. C'était à Nancy hier. Voilà, imposé donc difficilement. Hein. C'était le cas aussi vendredi où il y a une victoire pour qui avait déjà joué l'Allemagne. Il y avait deux matchs face à l'Allemagne, 34-31 pardon. Cette fois, c'est une nouvelle victoire face à l'Allemagne mais d'un petit but. Voilà, donc ça a été compliqué pour les filles, mais c'était important de s'imposer. On rappelle l'Euro qui sera avancé cette année en novembre pour pas évidemment chevaucher la Coupe du Monde, bien entendu, la Coupe du Monde donc chez les hommes, et donc la victoire, donc deux petites victoires importantes, donc le championnat d'Europe qui démarrera le 4 novembre, ça arrive vite jusqu'au 20 novembre, donc trois pays, la Slovénie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, les Allemands d'ailleurs qu'on pourrait retrouver au tour principal de la compétition. Donc voilà, c'était important de voir un petit peu le niveau des Bleus avec cette ces rencontres. Voilà, en tout cas les pour la suite des rendez-vous. Donc il y aura à nouveau donc dans 3 semaines un nouveau rassemblement pour cette fois-ci la dernière ligne droite de préparation. Il y aura 2 nouveaux matchs amicaux. La Pologne sera à 28 et donc toujours à domicile à Cesson et puis le 30 à Nantes. Il y aura encore donc 2 matchs hein, face à la Pologne, le 28 et le 30, avec des réglages encore avant le grand rendez-vous donc de ces championnats d'Europe. On rappelle les Panthères, les Françaises qui sont championnes olympiques. Donc il y a vraiment un statut à défendre. Ce sera aussi le cas d'ailleurs des hommes qui en janvier, eux, attaqueront aussi leur compétition en tant que champion olympique en titre. Donc ce sera évidemment des... moment important pour ces deux équipes là. Et puis enfin pour finir avec la Star League où on jouait donc la quatrième journée avec, c'était il y a 15 jours déjà aussi là, ça a été un petit peu plus tôt pour les garçons avec pour ces dernières rencontres. Eh bien on avait notamment la victoire de Paris. Une nouvelle fois, juste le temps de retrouver, il est là, pour retrouver le championnat, c'est ici. Dans le cadre de cette journée de Star League, c'était la quatrième, c'est ça, donc avec notamment la victoire pour Paris qui s'est imposé largement face à Créteil, hein, 35-26 le score. Nantes s'est imposé également, Montpellier également face à Chartres, c'était à l'extérieur hein, pour Montpellier. Donc au classement Paris, eh bien n'est pas leader hein, puisque Paris, a perdu un match. Ouais, c'est assez étonnant, mais il n'y avait pas eu de défaite l'année passée. Bah, il y en a eu une face à Toulouse d'ailleurs, 35-27 hein, il y a 2 semaines. Eh bien Paris donc n'est plus invaincu. Et l'équipe qui est invaincue, c'est Nantes pour l'instant. 4 victoires en 4 matchs, 8 points. Montpellier, Paris, Cesson, Rennes ou encore Aix-en-Provence, Chambéry sont à 6 points. Voilà, donc c'est assez serré derrière. Pour l'instant, ça tient assez bien. Voilà pour les rendez-vous donc de ce week-end du côté de la Star League. Voilà, donc en tous les cas, pour le moment, le point sur tout ça. Et donc, on rappelle pour Saran, donc ça se poursuivra puisqu'on on a donné les résultats, mais les rendez-vous donc pour notamment pour Saran, donc tout à l'heure on donnait hein, c'était après avoir reçu un déplacement donc pour les Saranais à Villeurbanne, donc ce sera vendredi. Voilà les rendez-vous à venir pour Saran, et puis le fur et on le disait aussi reprendra la semaine prochaine. Voilà pour cette page handball. On va marquer une pause, on va revenir après. Le rendez-vous, les programmes, eh bien ça passera par du basket. Alors voilà, c'était la fin des compétitions. Les championnats vont reprendre tranquillement aussi, on va en parler hein, évidemment. Les filles n'ont pas réalisé malheureusement le championnat qu'on attendait, le championnat du monde qu'on attendait. Et puis ensuite après le basket, du rugby pour la suite du top 14. Et puis le tennis, on a beaucoup de choses à dire aussi de ce côté-là. Mais avant cela, une pause et on reviendra juste après pour la suite de cette émission. Pour le son, eh bien vous avez choisi. Vous avez choisi plein de choses, mais on va écouter un seul titre pour l'instant, évidemment. Ce sera c'est tout de suite même. Et c'est un retour des années 90 avec ce titre Turn Around. C'était donc le groupe Fats and Small. On se retrouve juste après pour la deuxième partie, 21h18. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. We'll be right back. Listen to what I say. Got to turn around. Got to turn around. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down to me. Cause things ain't getting over. Listen. Ce titre à l'instant, c'était donc Turn Arounds avec Fat and Small. Retour donc pour la deuxième partie. Tout de suite, on le disait, c'est le basket. Donc, basket avec d'abord la première chose, c'est la fin donc des championnats du monde féminin. Alors, on était sur, on rappelle la semaine dernière. Eh bien, sur les championnats d'Europe garçons, et là c'était les championnats du monde féminin. Ça ne s'est pas bien passé pour les Françaises qui ont été rapidement battues dans les quarts de finale. Donc de ce championnat du monde, hein, championnat du monde féminin. Voilà, elles ont été battues dès les quarts de finale. Donc de ces championnats du monde, alors déjà il y avait une qualification pas simple pour les filles qui ont perdu leur dernier match en plus de poule, qui les ont poussées à jouer. Alors il y avait deux scénarios possibles, ou les États-Unis dès à l'écart, ou la Chine. Ça a été la Chine pour les Françaises, mais qui ont été battues assez rapidement dans ces quarts de finale, 85-71. Donc pas de débat pour cette rencontre. Et puis ensuite, eh bien, c'est les États-Unis sans trop de détails et sans trop de suspense qui s'est imposé face à la Chine, 83-61, le score assez large. C'est l'Australie qui a pris la troisième place en battant le Canada aussi, là aussi là c'est largement 95-65. Vraiment que finalement des victoires assez logiques, donc les Américaines assez largement vainqueurs. Et puis donc la France seulement en quart de finale, une déception. Il est vrai pour cette équipe qui espérait beaucoup mieux dans ce championnat du monde. C'était donc pour la fin de ces compétitions estivales. Retour des championnats pour tout le monde. C'est le cas notamment en Betclic Elite. Hein, on a déjà joué la troisième journée de cette Betclic Elite. C'est avec Monaco pour l'instant qui est réalisé le sans faute, tout comme Blois. Qui revient, dans l'élite cette année, et qui pour l'instant a remporté ses trois premières rencontres. Donc il réalise pour l'instant le sans faute. À l'inverse de Paris, Le Portel et Limoges, qui sont les équipes qui ferment le championnat. La Pro B reprendra seulement dans 15 jours maintenant, pour l'OLB qui... On va reprendre la saison à Chalon-Reims, qui est aussi l'une des équipes qui est descendue cette année aux côtés d'Orléans. Ce sera donc le 15 octobre, déplacement à Chalon-Reims pour lancer cette Pro B. Mais avant cela, l'OLB qui est engagé cette année, dans ce début de saison, dans la Leaders Cup Pro B. On rappelle, il y a la Leaders Cup en Pro A, mais il y en a aussi en Pro B, qui se déroule dans ce début de championnat, avec une phase régulière où trois journées ont été déjà jouées. Pour l'instant, eh bien, pour Orléans, ça se passe pas bien, hein, qui a été battu encore une fois par Évreux de 20 points, 87-67. Voilà, pour l'instant, qui présente un bilan très négatif pour le moment dans cette Leaders Cup, qui est pas du tout en forme dans cette compétition. Et voilà, il reste encore des matchs avant d'attaquer la suite, mais pour l'instant c'est pas encourageant pour Orléans dans cette dans ce début de championnat, hein, qui est pas du tout au rendez-vous, hein, de cette compétition, et on espère que ça va vite s'inverser pour le retour de la Pro B, hein, évidemment avant d'attaquer ce championnat. Je vous le donne, les rendez-vous donc qui arrivent quand même, donc toujours dans le cadre de la Leaders Cup. Les rencontres sont ici. Dans le cadre de la Leaders Cup, il y aura encore des rencontres avant de conclure cette étape et avant donc d'aller commencer le championnat de Pro B. Alors, je vais le temps de retrouver tout ça, les différentes rencontres, et puis ensuite le programme donc Leaders Cup et programme de la Pro B qui va reprendre. Donc on rappelle pour l'instant Orléans qui joue toujours au Palais des Sports d'ailleurs, hein, pour le moment. Si on avait évoqué la comète pour Orléans, c'est vrai que cette descente en Pro B, elle a évidemment changé beaucoup de choses, beaucoup la donne, et on ne sait pas si pour le moment, la comète sera au rendez-vous pour Orléans. C'est vrai que c'est une salle qui est assez grande, et on voit pas comment Orléans va pouvoir remplir la salle avec une participation pour l'instant en Pro B. On le verra en tout cas pour l'instant. Et Orléans qui reprendra donc au Palais des Sports, donc toujours face à Évreux, ce sera le 8, c'est-à-dire samedi soir à 20h au Palais des Sports, pour essayer de remporter cette première rencontre dans cette compétition. Puis ensuite il y aura un match face à Angers, toujours au Palais des Sports, ce sera cette fois la semaine prochaine, le 11, c'est-à-dire mardi prochain, voilà, dans le 4 jours de cette compétition. Et après, il y aura encore un match face à Chalon, mais cette fois pour lancer la journée de Pro B. Voilà, en tout cas, d'ici là, deux rencontres avant de conclure la phase de Leaders Cup. Voilà, pour l'instant, c'est pas encourageant pour Orléans. On espère que ça ira beaucoup mieux. C'est surtout le championnat qui va compter évidemment cette année. Voilà pour le basket. Donc reprise de la Athletic Elite et puis reprise bientôt de la Pro B pour Orléans. On referme cette page basket, rugby tout de suite, puisque là le championnat qui a repris depuis un certain temps déjà, avec le top 14. Top 14 qui se poursuit bien sûr. On reviendra aussi sur les directs, puisque je crois que ça a bougé un petit peu dans les différentes rencontres, et on va pouvoir faire le point, même faire le point tout de suite d'ailleurs, puisque ça a bougé. Donc alors, pas en Ligue 2, puisque Bordeaux mène toujours 1-0 sur la pelouse de Laval, et il reste peu de temps avant la pause, hein, il reste quelques minutes. 1-0 donc toujours. En Angleterre, ça a bougé, puisque Leicester mène 2-0, 2 buts en 2 minutes, hein, 25-27. Ça fait donc 2-0 face à Nottingham Forest. Et on joue la seulement 28e minute de jeu, donc déjà 2-0 pour Leicester. En Italie, Hellas Vérone aussi, qui a ouvert la marque sur sa pelouse face à Udinese, 1-0. Il la pose dans 2 minutes. Voilà, et puis c'est tout, hein. Il y a 4 rencontres ce soir. Rappel à suivre. Le rugby, le top 14, c'était la 5e journée. 2 victoires à mettre au crédit des équipes à l'extérieur, avec notamment Toulon qui a été battre Pau à Camagnères d'ailleurs, 34-17. Et puis Toulouse, c'était hier soir en clôture, qui a été s'imposer à Montpellier, 19-17. Hormis ça, que des victoires à domicile. Bordeaux, Perpignan, Clermont, Brive ou encore La Rochelle se sont imposés donc à domicile. Toulouse est le leader après cette cinquième journée, 18 points. La Rochelle suit derrière avec 17 points. Ensuite, on a Montpellier, 3e, 15 points. Et puis Clermont, 4e, avec 14 points. Toulon qui va beaucoup mieux que l'an dernier. Il est donc 5e avec 12 points. Voilà. Et en bas, pour le moment, c'est très serré, hein, puisque on retrouve... Donc ça commence déjà dès la 7e place avec Bordeaux avec 10 points. Puis derrière, on a le Racing, Castres, Perpignan, Bayonne, Lyon, ou encore le Stade français, 9 points. Vous voyez, c'est quand même super serré. Et puis Pau a juste un point en dessous avec 8 points. Pour le moment, c'est vrai que avec une victoire, on peut vite se dégringoler ou au contraire vite remonter. Donc ça peut encore évidemment beaucoup changer. Ce week-end, c'est la 6e journée. On retrouvera samedi en soirée Toulouse, Clermont. Et puis dimanche, ce sera Lyon-Bordeaux-Bègles qui sera l'affiche de cette soirée. Voilà pour le top 14. Et puis un mot en rugby, on était resté sur la dernière journée donc du rugby championship anciennement le Four Nations. C'est la Nouvelle-Zélande qui et les Blacks qui se sont au final imposés dans ce tournoi en s'imposant face à l'Australie 40-14. C'était donc la semaine dernière. Et puis il restait encore un espoir pour l'Afrique du Sud de terminer donc en tête. Et pour cela, il fallait non seulement remporter face à l'Argentine un point de bonus offensif, mais condition pour s'imposer dans ce tournoi, c'était s'imposer de 39 points. Mais finalement, il y a eu donc dans le score 38-21, ça n'a pas suffi. Il fallait faire vraiment beaucoup mieux pour espérer s'imposer. Donc c'est bien la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée. 19 points, l'Afrique du Sud 18 points, l'Australie 10 points, et puis l'Argentine 9 points, qui se comporte vraiment de mieux en mieux dans ce tournoi et qui n'est plus un faire-valoir. Il y a beaucoup de points marqués. Il y a eu 2 victoires. Finalement autant que l'Australie, hein, qui a un point de bonus de plus, mais sinon c'est le même bilan que l'Australie. Donc il y a vraiment l'Argentine qui n'a pas à rougir dans cette compétition, qui en plus a battu la Nouvelle-Zélande à domicile. Donc c'est vraiment une belle performance pour cette équipe d'Argentine dans cette compétition. Voilà pour la page rugby, on referme. Un mot, tout à l'heure on n'a pas eu le temps d'en parler, mais juste un petit mot rapide du côté du handball de la Ligue des Champions. Puisque on rappelle, on a chez les hommes 2 équipes de clubs qui sont engagés. Donc Paris qui s'est imposé à l'extérieur et qui permet de reprendre la 2e place. Alors Paris recevra donc lors de cette semaine de Ligue des Champions. Et puis en revanche pour Nantes, c'est un petit peu moins bon. Il y a eu malgré une victoire, Nantes est seulement 4e pour le moment. Et qui se déplacera pour cette nouvelle journée. Et puis du côté des féminines, Metz qui est leader pour l'instant, 2 victoires et 1 nul. C'est une belle performance pour Metz, hein, qui ira à l'extérieur pour ce nouveau rendez-vous. Et puis Brest qui est toujours aussi engagé évidemment dans cette Ligue des Champions féminines, qui a un moins bon bilan, une seule victoire pour 2 défaites. La dernière, c'était une victoire à l'extérieur. Il faudra réitérer l'exploit pour essayer de remonter, qui sauvera donc pour cette semaine de compétition. Voilà pour clôturer avec le hand et cette dernière info. Après le rugby, du tennis donc, avec, on le rappelle, toute la semaine dernière, l'Open d'Orléans. Hein, c'était l'un des rendez-vous donc de la semaine à Orléans. Une belle édition, une très belle édition que l'on a vécue, hein, tout au long de la semaine au Palais des Sports, qui a été très remplie. Alors il y avait évidemment dès le début un gros tableau français qui était présent. C'était aussi l'un des événements de cette édition, avec notamment des têtes de série importantes. Corentin Moutet chez les donc le tableau simple, on avait Hugo Gaston qui était aussi l'un des favoris, tête de série numéro 2, pardon. Puis beaucoup de Français. Richard Gasquet, tête de série numéro 3. Grégoire Barreur, Laurent Locolli, on avait Quentin Alice, voilà, beaucoup de Français qui étaient présents. Et il y a eu vraiment une grosse razzia dès les quarts de finale, puisque étaient présents pas moins de 5 Français sur les 8 restants. Donc c'était vraiment une grosse perf. Et puis ensuite, 3 sur 4 qui étaient présents en demi-finale. Et puis finalement, 2 Français en finale. Quentin Alice, qui était à tête du série numéro 4. Et puis Grégoire Barreur, qui était aussi... des Français engagés sur l'édition. Victoire de Grégoire Barreur hier, 4-6, 6-3, 6-4. Voilà, qui belle rencontre, belle finale. Hein, voilà, c'était une belle finale que l'on a vécue sur cette édition. Donc en 3 manches, victoire donc de Grégoire Barreur, pardon, qui s'impose pour la première fois ici à Orléans. Et du côté du double, c'est les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger Vasselin qui sont imposés face à la paire belge et tunisienne, Gertz et Mansouri, 6-2, 6-4. Et vraiment, ils n'ont pas été inquiétés du tout de la semaine, les Français. Hein, ils ont été impériaux, puisque je crois que, si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas perdu un set de la semaine. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, ils ont été vraiment incroyables. Le temps juste de revérifier, mais non, il n'y a pas eu de set laissé en chemin. 6-4, 6-3 d'abord, ensuite la carte finale 6-2, 6-4, et ensuite la demi-finale 6-3, 6-3, puis enfin donc cette finale 6-2, 6-4. Voilà, c'était vraiment impériaux tout au long de la semaine. Et donc les Français sont imposés. Nicolas Mahut qui est le plus grand vainqueur à Orléans en simple et double cumulé, et aussi le plus grand qui est l'un des participants les plus assidus, hein, qui est même le participant le plus assidu. Et victoire cette fois en double. Et puis donc Grégoire Barreur, première victoire pour lui. En tout cas, très belle édition encore, beaucoup de monde, avec évidemment beaucoup de Français, ça a évidemment beaucoup joué. Et c'était là aussi l'événement, le dernier Open, c'est pour cette 17e édition, eh bien présent auprès des sports, puisque l'année prochaine le projet est d'arriver au Comet, normalement si tout va bien, on l'espère en tout cas. Et donc ce sera le rendez-vous donc, pour l'année prochaine, normalement du côté du Comet. Mais en tout cas, c'est une page qui se tournait évidemment auprès des sports, qui va dire adieu à cet Open d'Orléans qui fait vivre de grandes émotions. Évidemment, voilà tout pour cette édition donc 2022. On a très hâte d'aller déjà du côté du Comet, où d'ailleurs on peut espérer que tous les matchs auront lieu là-bas, simple et double cumulés. Hein, on n'est pas encore, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais on peut espérer qu'il y aura vraiment les deux tournois là-bas du lundi au dimanche, évidemment, puisque cette fois la salle de salon du CJF sera vraiment très loin pour le coup du Comet. On verra en tout cas l'organisation de cette édition, on l'espère, l'année prochaine. Toujours côté tennis, on avait d'autres tournois, notamment la présence de Novak Djokovic du côté de Tel Aviv, qui s'est imposé d'ailleurs dans cette finale face à Marin Cilic, 6-3, 6-4, 89e titre pour le Serbe. S'est imposé assez largement. Alors on peut se poser la question de pourquoi il était présent sur ce tournoi de Tel Aviv qui est seulement à 250, hein. Bien évidemment, puisque le Serbe a besoin de points, hein, pour les Masters qui aura lieu en fin d'année. Pour l'instant, il n'est pas encore qualifié sûr, donc c'était important pour lui de prendre ses points du côté de Tel Aviv. Pardonnez-moi. Et puis d'autres tournois, un tournoi en à Séoul, où c'est Shapovalov qui s'est incliné dans cette finale face à Nishioka, 6-4, 7-6. C'était là aussi des tournois de la semaine. Et puis à Sofia, défaite de la tête du numéro 5, Rune, danois, qui était battu par Hussler, le Suisse, 6-4, 7-6. C'était les tournois donc principaux de la semaine dernière. Cette semaine, l'un des tournois principaux, eh bien, c'est le tournoi de Tokyo qui sera l'un des tournois principaux de la semaine. On est sur un ATP 500 cette fois. Casper Ruud sera à la tête de sub numéro 1 du tournoi. Kuric présent lui aussi. Et pas de français par contre, mais sinon, Frances Tiafoe, qui s'est d'ailleurs qualifié pour le deuxième tour, Nick Kyrgios sera présent, Taylor Fritz, Shapovalov, Kokkinakis, là aussi, autrichien. Ce sera le rendez-vous donc de Tokyo. Et puis on a l'autre tournoi principal de la semaine en dur, c'est le tournoi de Nours Sultan, qui sera l'autre rendez-vous de la semaine. Donc là, au Kazakhstan, Carlos Alcaraz, tête du ciel numéro 1 face à Rune, ce sera d'ailleurs demain, pro s'affiche. Tête du ciel numéro 2, c'est Daniil Medvedev qui affrontera Albert Ramos. Adrien Manarino qui a battu aujourd'hui Stan Wawrinka, qui était invité par l'organisation du tournoi en 3 manches, 1-6, 6-2, 6-3. Il a craqué le Suisse en fin de match. Et donc Adrien Manarino affrontera le vainqueur de Alcaraz Rune. Voilà, Karatsev, Andriy Rublev, Stefanos Tsitsipas. D'ailleurs, on avait la présence du frère du grec en double à Orléans tout au long de la semaine. Donc le Stefanos Tsitsipas lui sera présent face à Kukushkin demain. On aura Hubert Hurkacz sur le deuxième tour. On aura Marin Cilic qui fait aussi son apparition ici. Kachanov. Novak Djokovic aussi qui est engagé dans le tableau. Il a besoin de points, on le disait, il va aussi participer à ce tournoi face à Garin, donc au premier tour. C'est seulement la tête de ce numéro qui a du tournoi, Novak Djokovic. Ogier Aliassime face à Bautista Agut, c'est l'Espagnol qui s'est imposé aujourd'hui. Voilà les rendez-vous de la semaine. Donc le Kazakhstan et puis donc le Japon, Tokyo, pour les deux rendez-vous de la semaine en 500. Voilà, et puis après, eh bien, beaucoup plus tard, il y aura des tournois plus importants, ATP de Bâle, ATP de Vienne, et puis le Rolex Paris Masters, fin octobre, début novembre, qu'on attend le dernier grand rendez-vous en France, et puis le dernier Masters 1000 avant les Masters de fin d'année. Voilà les derniers rendez-vous finalement qui arrivent jusqu'à la fin de cette année. Un mot du classement, parce qu'il a quelque peu évolué après cette semaine. Carlos Alcaraz est évidemment toujours leader, qui devrait le rester normalement si tout va bien jusqu'à la fin de la saison. Rafael Nadal qui a pris la deuxième place, qui est remonté, qui a pris la place de Casper Ruud, donc deuxième pour l'Espagnol. D'ailleurs, les deux Espagnols devraient finir la saison 1 et 2 si tout va bien. Casper Ruud donc troisième, pas de changement ensuite. Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Djokovic, Nori, Rublev, Hurkacz qui récupère le top 10, Taylor Fritz, voilà, qui est 11e. Pour les Français, eh bien, le premier Français, il est donc à la 38e place, c'est Gaël Monfils qui a perdu 5 places, Manarino 51e, Rinderneck 56, Constant Lestienne 61, Corentin Moutet 69e. Il a perdu 5 places à Orléans après son élimination précoce, hier, qui a fait beaucoup parler, parce qu'il y a eu, vous l'avez certainement vu, des petits soucis avec son adversaire à la fin du match. En tout cas, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il a perdu 5 places du coup après cette élimination. Quentin Alice, après sa finale à Orléans, et il a récupéré 10 places, il est 74e. Hugo Gaston, battu en demi-finale, il a pris 2 places malgré tout, il est 79e. Puis Richard Gasquet, il a aussi récupéré une place, il est 82e. Voilà les Français qui font partie de ce top 100. Voilà donc le classement donc de ce de cette partie hommes. Et puis chez les femmes, peu de changements sur les femmes. L'Estonienne Anette Kontaveit qui est troisième désormais au classement, derrière Iga Swiatek et Ann Jabeur, toujours ça n'a pas bougé. Caroline Garcia qui conserve sa 10e place au classement. Et puis donc elles sont le 4 dans le top 100, puisque Océane Donin atteint la 100e place mondiale. Alizé Cornet et Diane Paris n'ont pas bougé, 37 et 65e, donc 4 françaises dans le top 100. Et puis surtout une 10e place pour Caroline Garcia qui a fait des grosses performances lors de cette dernière semaine. Voilà le point en tennis. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On est pas revenu la semaine dernière puisqu'on était à l'Open d'Orléans sur la fin de carrière, la retraite de Roger Federer, qui a été lors de la Lever Cup évidemment très bien mis en avant lors d'une cérémonie vendredi soir après son double perdu avec Rafael Nadal. Hein, on a évidemment les images ont fait le tour du monde, les images de Nadal et de Federer en pleurs. Hein, c'était des images très émouvantes. Et puis la Lever Cup aussi qui a très bien marché malgré la défaite de l'équipe Europe. Première victoire de l'équipe monde, hein, c'était aussi l'un des points à mettre en avant dans cette Lever Cup. Et en tout cas, c'était la dernière apparition du Suisse officiellement. On le reverra bien sûr, on l'espère, dans d'autres tournois d'exhibition dans les semaines, mois à venir. Alors, peut-être pas les semaines puisqu'il a quand même besoin de se remettre, mais on l'espère dans les prochains mois le voir sur d'autres rendez-vous. Puisqu'il a encore, voilà, malgré tout, le jeu qui va bien. Allez, on referme cette page tennis. On va marquer une pause, puis on revient ensuite. Le foot, finalement, il est 21h45 et on a quand même encore beaucoup de temps pour revenir sur cette page foot. Il y a encore, voilà, trois quarts d'heure pour l'évoquer, avec pas mal de sujets quand même à évoquer de ce côté-là. Mais voilà, on a encore beaucoup de temps, malgré tout, à accorder à cette page foot. Juste après une pause, on aura tout le loisir d'en parler. Les directs, donc mi-temps en Ligue 2, Laval est mené 1-0 par Bordeaux. C'est là donc la mi-temps. En Angleterre, Leicester qui a triplé la mise 3-0 face à Nottingham Forest. 43e minute de jeu, c'est bientôt la pause donc. Même temps, mais pas même score en Espagne. Un partout désormais entre la Rayo Vallecano et Elche. Et puis c'est la pause aussi en Italie où Hellas Vérone mène toujours 1-0. Face à Udinese sur sa pelouse donc. Et puis on rappelle un petit peu plus tôt tout à l'heure, en national, Concarneau s'est imposé face à Châteauroux 2-0 et a repris la tête de ce championnat du monde, ce championnat de national pardon, dont on parlera tout à l'heure. Une pause et puis après donc le foot, hein, on aura plein de choses à dire encore une fois. Pour le son, qu'est-ce que vous choisissez? Voilà, il y a plein de choses encore. Si, tiens, on va écouter. Si, qu'est-ce qu'on va écouter? Si, je sais ce qu'on va écouter. Ce titre, pour ceux qui étaient du côté, d'Orléans, et de l'Open toute la semaine dernière, ce titre, c'est Eric Pritz, piano, c'était le. L'entrée des joueurs à Orléans, mais il y a quelques années, hein, avant la musique que l'on connaît maintenant. C'est donc Eric Pritz. Et on se retrouve juste après pour la suite, tout de suite. We'll be right back. retour, c'était à l'instant que Eric Price piano, c'était je vous rappelle l'entrée des joueurs au Palais des Sports à l'Open avant la musique que l'on connaît maintenant, bien sûr celle que l'on connaît bien puisque c'était donc celle-ci que vous entendez en fond. Voilà, c'est la musique actuelle. Avant ça, il y avait donc Eric Price qui est resté quelques années. Voilà, mais désormais c'est cette entrée-là. Alors peut-être que avec l'arrivée au Comet, il y aura peut-être un changement. On le verra, mais c'est vrai que depuis l'arrivée avec les jeux de lumière, c'est Kavinsky qui a pris le relais. On verra ce qui se passera évidemment lors de l'arrivée au Comet. Du foot donc, c'est le programme tout de suite pour cette dernière partie de l'émission. Dernière partie, donc on a voilà, un petit peu plus d'une demi-heure. Beaucoup de choses encore à évoquer, mais plein de choses et on a pas mal de temps, donc on va commencer dans un instant. On aura peut-être d'ailleurs quelqu'un avec nous par téléphone pour parler de cette page foot. Voilà, j'espère qu'on pourra avoir cette personne. On va essayer de le joindre et puis d'évoquer avec lui toute cette page foot. Il y a plein de choses à dire, hein. Plein de choses à dire. On va rappeler les directs que l'on suit donc ce soir. 4 rencontres, hein, je le disais au programme. Donc dans ces directs, on aura donc en Ligue 2 la deuxième période. Alors on n'ira pas au bout de cette rencontre, mais donc la deuxième période de Laval-Bordeaux, c'est la Ligue 2. Et on est à la 40e, ça vient de reprendre. Début de cette seconde période, donc pour le moment, eh bien 1-0 pour Bordeaux, qui fait la belle opération au classement. Pour l'instant, avec cette victoire, Bordeaux provisoirement remonterait à la première place. Côté de Amiens notamment, donc ce serait évidemment une belle performance pour Bordeaux. Ça c'est donc pour le côté donc Ligue 2. Donc 1-0, 50e minute de jeu. En Angleterre, ça y est, c'est la pause, hein, entre Leicester et Nottingham Forest. Leicester qui a fait déjà le boulot puisqu'il mène 3-0 à la pause face à Nottingham Forest. Voilà, 3 buts en 10 minutes, hein, c'est une grosse perf. Grosse perf pour l'instant pour Leicester. Donc il mène 3-0. En Espagne, Rayo Vallecano face à Elche, 1 partout. C'est la mi-temps. Et puis en Italie, Hellas Vérone face à Udinese, 1-0. Donc, et c'est aussi la reprise depuis 5 minutes. C'est donc les rendez-vous donc, de ce soir. Et puis en National, Concarneau, je vous rappelle tout à l'heure, s'est imposé 2-0. Donc face à Châteauroux et qui donc Concarneau a repris la tête donc de ce championnat, on le verra tout à l'heure lors de la page donc nationale. Voilà les directs, le programme de foot pour cette dernière demi-heure. On va revenir sur les championnats donc à l'étranger. Donc avec bien entendu l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. On reviendra en France pour évoquer bien sûr les trois rendez-vous. Trois choses, hein, avec le National, la Ligue 2 et la Ligue 1. Ça c'est les trois sujets que l'on évoquera. Et enfin, pour terminer, la Ligue des Champions, puisque ce sera le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Voilà, enfin, Ligue des Champions, bien sûr, Coupe d'Europe. Il y aura les trois sujets à évoquer. Et puis un petit mot on peut l'évoquer, un petit mot de Coupe de France, puisque cette semaine, ce sera le 5e tour de la Coupe de France. 5e tour, c'est le dernier tour, qui sera un dernier tour régional, hein, puisqu'ensuite on va passer du côté. Alors oui, c'est ça, le dernier tour régional, puisqu'ensuite on va commencer à attaquer le tour national. Ensuite, on va mélanger les équipes. Pour l'instant, on reste encore On reste encore du côté des ligues, mais ensuite on va enfin rentrer dans les tours nationaux et on pourra, enfin, tous les clubs pourront évidemment aller d'une région à l'autre. Pour l'instant, c'est encore un tour régional. C'est le cas notamment pour Orléans, qui rentre dans, on rappelle, les clubs nationaux rentrent dans la compétition et c'est le cinquième tour. Et Orléans, qui a hérité d'un club de district, c'est le dernier club du district de la région, on allait dire du Loiret, même de la région, puisque là on est dans un tour de régional. Et c'est Neuville-aux-Bois qui a hérité d'Orléans, donc c'est une belle récompense pour Neuville, qui aura fort à faire bien sûr, mais c'était en tout cas une belle performance. On va avoir avec nous un intervenant, un invité, on va le mettre en ligne tout de suite, et puis on va l'accueillir avec nous, le temps juste de faire la petite manip pour accueillir notre invité et notre auditeur qui va intervenir jusqu'à la fin de cette émission avec nous. Et si tout va bien, si tout est bien réglé, c'est normalement notre invité qui est avec nous. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Tar qui est avec nous, salut Tar. Rémi, comment tu vas? Ça va bien et toi? Parfait. Merci d'être avec nous. On va être ensemble une petite demi-heure pour débriefer toute l'actualité foot du week-end. Plein de choses à dire. Parfait. On va commencer avec un petit tour d'Europe de ce qui s'est passé dans nos autres championnats. Bien sûr, on terminera avec la France où il y a plein de choses à évoquer. On aura aussi avec des champions. Enfin, il y a un gros programme. Mais pour démarrer un petit tour d'Europe, on commence avec l'Allemagne. C'était du côté d'Allemagne la 8e journée de Bundesliga. On a le Bayern. On rappelle le Bayern pour l'instant qui fait pas un gros début de saison, hein, puisque le Bayern. C'est vrai. Par contre, vendredi, ils ont fait un beau match qui s'est conclu par un 4-0. Je pense que c'est le vrai Bayern. Ça y est, on a retrouvé peut-être le vrai Bayern, oui. Ouais, c'est ça. Avec plusieurs buteurs, donc c'est bien. Ils sont pas comme avant avec Lewandowski à se fier qu'un seul buteur, quoi. Là, c'est 4 buteurs différents, donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que le départ de Lewandowski a aussi joué dans ce début de saison qui était plus moyen, quoi? Bah, je pense qu'il a joué très longtemps au Bayern, donc forcément, il faut se trouver de nouvelles habitudes, de nouveaux joueurs. Avec l'arrivée de Mané aussi, ouais, qui joue à un poste complètement différent de quand il était à Liverpool, donc c'est un temps d'adaptation, mais je pense que la machine a déjà lancé là. C'est vrai que là, on a 4 buteurs, Sané, Musiala, Mané, puis Müller. Müller toujours là, hein, ouais. Müller, il est increvable, hein. C'est ça. Je pense qu'il est encore là pendant des années. Et donc 4-0, on avait le retour de Pavard aussi. Pavard, exactement. Ouais. Bah, y a pas mal de Français qui reviennent, donc ça c'est pas mal pour la Coupe du Monde. Ouais. Là, espérant qu'ils reviennent sans séquelles, quoi. On pourra en parler d'ailleurs de. On fera un petit point si on a le temps de l'équipe de France, puisqu'il y a encore eu il y a encore des blessés. Hein. On espère qu'ils seront tous de retour, mais on essaiera de donner un mot. Face au Bayern Leverkusen, donc 4-0 pour le Bayern. Autre résultat de cette journée, c'est la défaite de Dortmund. Exactement. La défaite de Dortmund qui, un peu à l'image du Bayern, fait un début de saison compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ils perdent à Londres. Eh oui, c'est ça. Leur neuf, donc forcément encore un temps d'adaptation. Mais après, il y a eu aussi le Haller, Sébastien Haller, qui a été victime d'un cancer. Ouais. Il n'est plus trop disponible, donc le temps qu'il revienne, je pense que ça va être compliqué pour Dortmund. Ouais, battu 3-2 donc du côté de Cologne. Les autres équipes qui sont un peu surprises, hein, on a l'Union Berlin qui est leader, qui se sont inclinés pourtant à Francfort, mais qui sont toujours leader. Fribourg aussi, qui est un peu surprenant, mais qui s'est imposé 2-1 face à Mayence, donc qui est également co-leader. Encore en tête, on a donc Berlin, Fribourg 17 points, le Bayern et Dortmund 15 points. Ils sont pas décrochés, hein. Rien n'est joué, évidemment, dans le début de saison. Hoffenheim, Francfort sont derrière. Mönchengladbach seulement 9e, Leipzig 11e. Et puis derrière, donc des équipes comme Schalke, qu'on voyait européen il y a quelques années, qui sont 15e seulement. En parlant de Leipzig, ouais. Un doublé d'un Français. C'est vrai. Tu peux c'est bien de préciser. Qui marque peut-être des points aussi pour. Est-ce qu'on pourra peut-être un Nkunku en Coupe du Monde? J'espère. Moi, je le vois bien en tant que titulaire même, donc. C'est vrai qu'il fait des grosses perfs. Il pourrait mériter, ouais. En tout cas, encore un doublé. Il a un penalty en plus. Et en plus, il y aura peut-être un triplé, ouais. Et donc voilà, Leipzig, ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y a pas une grosse, hormis une coup de coup, l'équipe qui est pas, c'est compliqué d'avoir une équipe très homogène, quoi. Ah, bah ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Après, c'est comme ça, comme les équipes surprises, bah faut qu'ils confirment, mais là c'est un peu plus compliqué en début de saison, quoi. Ouais. Après, rien n'est joué. C'est vrai que il y a que finalement, quand on regarde le Bayern et Dortmund, il y a 4 points. C'est pas c'est assez, ouais, c'est ça, il y a c'est assez recoupé. Et puis donc en bas, donc on le disait, bah, Leverkusen qui a perdu, qui était aussi bien mieux avant, et puis qui s'est un peu effondré, et bah, qui était compliqué aussi pour eux. Ça c'était donc pour l'Allemagne, la Bundesliga. Donc, et on va changer complètement de pays. On va être du côté de l'Italie avec la Serie A. Et puis on finira bien sûr. Ouais, on finira avec bien sûr avec l'Espagne et puis l'Angleterre, hein, juste après. Donc l'Italie, ça a démarré donc samedi avec victoire du Napoli 3-1. Ça t'a posé face au Torino. Voilà, donc victoire assez facile pour le Napoli. La Roma, c'était un des gros chocs aussi du week-end, l'Inter face à la Roma. La Roma avec un très très beau but signé Dybala. Paolo Dybala, exactement. Belle reprise. Ouais. Donc qui revient en forme, et ça c'est plutôt bien parce que c'était une pépite qui a eu du mal à confirmer à la Juve, donc j'espère que pour lui ça sera sa saison, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il il a pas mal perdu, mais on a l'air d'être on espère d'être revenu au top. Donc 2-1 victoire de la Roma. Le Milan qui a imité la Roma en s'imposant derrière en fin de match, hein. 3-1, ouais, en fin de match. Ouais. Ouais, tous ces gens en fin de match, l'autre équipe a égalisé. Ouais, c'était Empoli 79e, et Milan qui ouvre le score. 92e, Empoli égalise, et puis derrière Balotouré 94, et puis Léao 97. Ouais, ça a été très bon joueur Léao, à surveiller, donc qui deviendra pour moi qui a le même talent que des Mbappé ou des Haaland, donc et qui était ouais, qui était titulaire à gauche, ouais. Ouais. Pas de Giroud cette fois, bon, il marque pas tout le temps non plus, hein. Faut bien laisser la place à d'autres buteurs, quoi. Mais c'est toujours ils s'en sortent, le Milan, et c'est une victoire qui est importante. 3-1. On passe à dimanche hier, la Lazio aussi qui a fait le job, 4-0. Là tranquille, hein, il n'y a pas eu de match face à la Spezia, bah, qui est une équipe qui vient de monter, donc c'est qui vient de monter, ouais, c'est plus compliqué. Donc 4-0 pour la Lazio, et puis enfin et la Juve exactement, qui a battu Bologne aussi tranquillement 3-0. Début de saison très compliqué aussi pour eux, qui sont 7e avec 13 points. Donc, ouais, surprenant, ouais. Début de saison compliqué. On aimerait bien retrouver notre Juventus d'antan. C'est vrai. Et ouais, Milik qui a marqué, on en parlait. Hein, l'autre ancien là, Marseillais. Ouais, en la fin dernière avec le match face à Paris, mais il a marqué cette fois. Donc le joueur. Le classement, donc Naples. Et leader avec 20 points, on a Bergame aussi 20 points qui tient la cadence pour le moment. La Lazio, le Milan AC 17 points. Udinese 5e 16 points, avec la Roma également. Udinese d'ailleurs qui a un match en moins, qui joue en direct. Et en cas de victoire, eh bien il pourrait tout simplement remonter à la. Alors j'ai peur de bêtises, puisque pour l'instant il y a combien? Pour l'instant ils perdent, donc si jamais ils inversent la tendance et qu'ils s'imposent, ils peuvent revenir. Tout simplement 3e, voilà, Udinese. La Roma 16 points. Je vous disais, la Juve seulement 7e, 13 points, c'est inquiétant. L'Inter aussi inquiétant, hein, 9e place, 12e, 12 points seulement. C'est ça. Après, les grosses équipes comme ça, ils peuvent revenir, il faut juste enchaîner les bons matchs et. Ouais, c'est pas vite. En tête c'est du classement, du coup. Vite inversé, c'est vrai. Voilà pour le classement en Italie. On bascule en Espagne, la Liga. La Liga. Plein de choses à dire aussi. C'était le retour, notamment, de notre Karim Benzema. Ah, en parlant de retour, c'était un retour un peu compliqué pour lui. Il a raté un penalty. Ça a été dur pour lui. Après, il revient de blessure. C'était son premier match après un mois d'absence. Donc, je crois qu'il a été arrêté un moment, oui. Un mois, c'était son premier match là depuis un mois hier. Donc, après, on va pas s'inquiéter pour lui avec le talent qu'il a. Donc, oui, c'est le temps de revenir. Ah, ouais. C'est évident. Bon, première petite accro pour le Real, pas vainqueur, ouais, cette fois. Qui perdent leur première place, hein, aussi important à dire, au profit de Barcelone. Exactement. Qui a gagné ce week-end. À Mallorca, ouais, 1-0, avec un but de Lewandowski, d'ailleurs, bah oui. Exactement. Assez logique. Et Osasuna qui a fini à 10, mais ça n'a pas suffi pour le Real. Hein. C'est ça. Et qui se. qui bute. En parlant de Lewandowski, qui est meilleur buteur à l'heure actuelle de la Liga. Pour sa première saison, c'est pas mal. Il confirme. Ouais. Qui s'adapte bien, hein, finalement, ouais, comme on connaît l'Espagne. On avait un doute, peut-être. Exactement. Enfin, certains avaient des doutes là-dessus, mais ça se passe bien. On avait les mêmes doutes que pour Haaland, de se dire que c'était les défenses allemandes qui permettaient de marquer autant de buts, mais la preuve que non, les deux sont meilleurs buteurs de leur championnat, donc c'est vrai. Ils confirment. Et on va le voir avec Haaland après, qui est même encore sur une autre sphère. On a beaucoup de choses à dire sur lui, ça, c'est sûr. C'est sûr. L'Atletico qui s'est imposé aussi 2-0, Llorente Morata, et pas de Griezmann. Et pourtant, il était pas titulaire, Griezmann. Je sais même pas s'il a joué d'ailleurs. Si, Antoine Griezmann qui est rentré à l'heure de jeu. Mais je pensais que c'était fini son histoire de. Je pensais parce qu'il l'a mis titulaire justement contre le Real, il y a 2-3 semaines avant la trêve internationale. Ouais. Mais effectivement, il continue à le remettre que 30 minutes par match, donc. Peut-être sa pas. Situation est un peu compliquée. Ouais. Et le mondial qui approche, hein. Et il est parti du rassemblement de la Ligue des Nations, mais est-ce qu'il y sera? Bon, a priori, oui. Je pense qu'il y sera. Ça reste quand même Antoine Griezmann, donc. C'est vrai. On va faire en sorte qu'il ait sa place, quoi, et qu'il soit titulaire malgré ses contre-performances. Ça reste un cadre, donc on va essayer de le garder en équipe de France, quoi. Ouais, en espérant qu'il joue davantage d'ici là. Le classement, tu le disais, le Barça qui a pris pour la première fois de la saison la tête, 19 points à la différence de but, mais le fait est là, ils sont pour l'instant leaders, ils sont revenus. Signaler que c'est la meilleure défense de la Liga avec seulement un but encaissé en 7 matchs. Ouais. T'as raison de le dire, c'est fou d'ailleurs, oui. J'avais pas fait attention. Un but en 7 matchs, donc c'est pas mal. Ouais, et c'est la meilleure attaque aussi, meilleure attaque et meilleure défense. Ouais, meilleure attaque, juste un but de plus que le Real, exactement. Que le Real, ouais. Le Real, donc deuxième, 19 points. L'Atlético, troisième, 16 points. Séville, 15 points. Et l'Atlético, qui est cinquième, 13 points, ouais, qui sont un petit peu décrochés. Le Betis, qui sont quatrième, qui font, avec notre français Nabil Fekir, qui font un bon début de saison. Exactement. Avec leurs moyens, donc franchement, c'est pas mal à surveiller le Betis cette année. C'est vrai, qui pourrait, pourquoi pas, finir pour l'Europe. Voilà, on bat Almeria, Cadix, Elche, les relégables. Et on finit, bien entendu, avec l'Angleterre. Le championnat. Et ouais. Exactement. Le championnat. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des beaux matchs ce week-end, avec le derby de Londres, Arsenal et Tottenham. Voilà, d'ailleurs, commencer par ça, exactement. Victoire des Gunners. Victoire d'Arsenal, exactement. Qui enchaîne 3-1 encore. Arsenal fait un excellent début de saison. Pour moi, ils sont c'est les favoris de cette année en première ligue. Oui, je suis d'accord. Après, il y a Manchester City également, donc ça va être une belle saison, je pense, en première ligue. Mais c'est vrai qu'on les retrouve bien, alors que ça faisait 2, 3, 4 ans qu'on les voyait pas bien. Un peu plus. Même plus que ça, même. Le départ d'Arsène Wenger, ça a été compliqué pour eux de retrouver un bon entraîneur, de retrouver une alchimie sur le terrain. Mais là, ils l'ont trouvé avec Arteta, avec leur coach. Qui est un petit prodige de Pep Guardiola, qui a été formé par le Lensois à Manchester City. Il n'y a pas de problème. C'est l'élève qui dépasse un peu le maître, donc à surveiller. C'est vrai. C'est pour l'instant Arsenal qui est, qui confirme qui son bon début et qui est en tête toujours. Et un Tottenham qui a vécu un scénario. Alors, on a vu un petit peu le match et c'est vrai que le deuxième but est un petit peu cagade. Hein, Hugo Lloris qui a pas réussi à prendre. Enfin, voilà, c'est un peu un but casquette. Ils ont joué 10 contre 11 quasiment toute la deuxième mi-temps. En plus, ouais. Ça a été compliqué, ouais. C'est dommage pour eux. C'est vrai. Qui d'ailleurs, ils n'avaient pas été battus jusque-là, hein, mais ça y est. Oui, bien sûr. En course. Liverpool. Ouais, Liverpool. Brighton, c'était. Performance, 3-3, beau match. Ouais, qui a été rejoint, alors triplé pour Brighton du même joueur. Hein. Ouais, c'est un peu trop ça, hein, le joueur belge, incroyable. Ouais, qui est lui qui a égalisé en plus. Firmino doublé, mais ça n'a pas suffi, 3-3. Ça, c'est des points importants qui ont été lâchés. Cette année, Liverpool, c'est un peu compliqué pour eux, ils perdent beaucoup de points bêtement. Après, c'est Liverpool, c'est une grande équipe, c'est aussi le départ de Mané qui fait que ils font cette saison-là. C'est un peu compliqué pour eux. Ouais. Mais après, on a confiance, ça reste un gros club. Donc ça peut revenir, ouais. Inverser la tendance. Toujours samedi, on avait Chelsea qui était à déplacement à Crystal Palace. Exactement. Premier but de Aubameyang sous les couleurs de Chelsea. Ça y est, ouais. Il a lancé le compteur. Et puis victoire en toute fin de match. Ouais. Gallagher. Jeune joueur Gallagher, mais prodigieux. L'Angleterre, ils ont pas mal de petits joueurs qui peuvent aller loin. Donc à surveiller pour la Coupe du Monde également. On verra bien. Et c'est lui qui donne la victoire, c'est important. Aussi au classement, on le verra. c'est tout pour samedi. Mais, et puis hier, bah, évidemment, bah, hier. Évidemment, le robot, le cyborg. City qui donne la leçon à United. Une belle leçon, hein, pour avoir vu le match. Ouais. Incroyable. C'est costaud quand même du côté de City. Surtout quand un attaquant comme Haaland, qui est servi par le meilleur milieu du monde, Kevin De Bruyne. Ouais, c'est vrai. Ça rate pas, et Haaland est en train de faire une saison mais atmosphérique. Ah oui, c'est fou. Ouais, petite stat, en uniquement 8 matchs en première ligue, il a réalisé 3 triplés. C'est autant que Ronaldo en 232 matchs. Donc pour vous dire que ce mec est dans une autre sphère. C'est autre chose. C'est vrai que quand on voit Mbappé à côté, on en est très loin. C'est deux mentalités différentes, on va dire. Mbappé, c'est beaucoup l'image. Ouais. Il s'intéresse beaucoup à l'image qu'il rend, alors que Haaland, c'est que le terrain, c'est un mec naturel, c'est le talent qui parle, quoi. Après, ça reste Mbappé quand même, mais je pense que Haaland prend le dessus, là, à l'heure actuelle, sur Mbappé. Donc, pendant une quinzaine d'années, on a eu une rivalité Ronaldo-Messi. Là, on est parti pour une rivalité Haaland-Mbappé, hein, je pense. Hein. C'est vrai. Ouais, ça y ressemble, oui. Ouais, ça y ressemble. À souligner aussi que Foden, ouais, auteur d'un triplé. Également, ouais. Magnifique. En un seul match de joueurs, on marquait 6 buts, quoi. Et puis, un petit mot, quand même. Manchester United, c'est triste. C'est, ouais. C'est dommage, surtout de voir un joueur comme Cristiano sur le banc. Avec toute la carrière qu'il a eue, le voir. À finir comme ça, c'est dommage. Tomberait, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Il aurait dû partir, je pense, la saison dernière. Il t'a signé dans un petit club, mais au moins pouvoir jouer et bien finir. Parce que là, c'est un peu compliqué. C'est dommage, lui, quoi. C'est triste. Et puis, un petit mot pour Anthony Martial qui rentre, qui met deux buts, malgré tout. Même si. Qui met un beau doublé. Un but sur penalty et un but dans le jeu. Dans le jeu avant, Est-ce que ça va lui permettre d'être à la Coupe du Monde? Je pense pas, vu les joueurs qu'on a devant. Donc, c'est compliqué. C'est un peu trop tard. Après, s'il confirme encore, pendant 2-3 matchs, il y a possibilité qu'il soit là. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai qu'il a un petit peu sauvé. Enfin, sauvé. C'est vrai que 6-1, ça aurait été lourd. Là, 6-3, c'est un petit peu plus. 6-3, c'est un beau score de tennis. Toi qui aimes le tennis, c'est ça. Tout à fait, ouais. Sur un beau set. C'est ça. Et puis, donc ce soir, là, on a un dernier match qui se joue. Alors, c'est pas du tout dans les mêmes rendez-vous, puisqu'on est sur des matchs de bas de tableau. Leicester 20e, Nottingham Forest 19e. Mmh. Enfin, Leicester Forest qui est un promu en première ligue, mais qui a réalisé un mercato digne de plus grands clubs en Europe. Ils ont recruté pas mal de gros joueurs, mais malheureusement, ça se confirme pas. Ça prend pas. Ouais. Nottingham Forest, on rappelle, alors c'était dans une autre vie presque, c'était deux fois champion, vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais. Ligue des Champions. Ouais. Yeah. Ah, c'est un autre monde, hein. C'est comme le Stade de Reims, vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais. C'est ça. c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est une autre époque. Et puis Leicester, bah, qui est un petit peu, c'est dommage, parce qu'il y avait, qui faisait des belles saisons, et puis là, bah, pour l'instant, c'est un début de saison qui est compliqué. Un peu compliqué, ouais. Ils sont que 19e. Ouais. Et encore, c'est avec la victoire d'aujourd'hui, sinon ils étaient à un point. Ouais, c'est en direct, ouais, c'est avec le point, ouais, c'est ça. Et là, pour l'instant, on est 3-0, et ouais, c'est dommage. Après, je pense que le niveau en première ligue, il est assez élevé quand on voit le nombre d'équipes complètement fort. Donc, c'est compliqué de se détacher, quoi. C'est vrai. Le classement, on a donc en tête Arsenal, qui est leader 21 points, meilleure défense. Aux côtés d'équipes comme Brighton ou encore la Newcastle, 8 buts, et puis par contre la meilleure attaque, c'est City qui est deuxième avec 20 points, 29 buts déjà. Petite stat, Erling Haaland avec 14 buts a marqué quasiment plus de buts que tous les clubs en première ligue, à part les 5 premiers, il a marqué plus de buts que tout le monde. Ah ouais c'est fou de se dire ça. Pour vous dire la stat, quoi. Ouais, il est incroyable. Tottenham est 3ème, 17 points, c'était la première défaite. Pour Tottenham dans la saison. D'ailleurs, ici, il y a encore City qui est invaincu, mais après, il n'y a plus d'équipe invaincue. Brighton, 4e, 14 points. Chelsea remonte 5e avec 13 points. United, c'est un peu décevant, mais 6e, 12 points. Et puis, alors, plus décevant encore, c'est Liverpool, 10 points. Alors, ça y est, pour le titre, c'est plié. Hein. Il y a déjà 11 points de retard. C'est plié. Hein. On n'en parle plus. Bon, l'année dernière, ça s'est joué à 1 point. Ouais. Dernier match de la saison, mais là ça a l'air d'être plus compliqué. Ouais, ça va être compliqué. 10 points contre Liverpool. Et puis en bas, donc on disait Wolverhampton, on est Nottingham Forest. Et puis Leicester, ouais, 1 point sur cette match. Bon, pour l'instant, il y a l'air d'avoir les 3 premiers, la première victoire ce soir. C'est ça. Voilà, juste un tout petit, alors, puisqu'on fait pas d'habitude, mais un tout petit point sur ce qui se passe la semaine prochaine, parce qu'en Angleterre, il y a toujours Des grands rendez-vous, il y en aura un, c'est Arsenal-Liverpool, à noter. Ouais, à noter dimanche. Ouais, dimanche à 17h30, ce sera le rendez-vous de cette fin de dimanche. Voilà, Liverpool, bah déjà, c'est déjà un premier gros choc pour Liverpool face au leader. Face au leader de la première ligue. C'est ça. Chelsea recevra Wolverhampton, City recevra Southampton, Tottenham ira à Brighton, et puis on a quoi d'autre bah c'est bien déjà, ça fait déjà pas mal de matchs à regarder. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis si United ira à Everton, voilà. C'est une attitude que je cherchais. Voilà. Oui, il est temps de parler du meilleur championnat du monde. Et on va finir, ah oui, avec la France, le meilleur des en enlevant les quatre autres, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. La Ligue des fermiers. Ah, c'est ça. Un petit mot avant de parler de Ligue 1, en National USO, qui a encore fait un match nul. Ça avance pas beaucoup pour Orléans. Ouais, qui a encore fait match nul. À domicile, c'était vendredi soir. Un partout face à Villefranche. Pourtant, ils ont mis un 0. Il y a eu beaucoup d'occasions de 2-0. Finalement, eh bien, ils ont été surpris en deuxième. Donc, un partout. Et, c'est l'équipe, tout simplement, qui a fait le plus de nuls dans le championnat, puisque, pour l'instant, on est à 6 nuls. Sur 8 matchs. Et encore, il y avait un 7ème nul qui s'est transformé en victoire sur tapis vert, mais sinon, sur le terrain, il y a eu 7 nuls sur 8. Sur tapis rouge, c'est rare ça quand même, le tapis vert. Ouais. Ouais, c'est rare, bah, surtout en. C'est que l'autre équipe a déclaré forfait, c'est ça ? Non, il y avait un problème au niveau du recrutement, enfin, il y a un joueur qui a joué qui n'aurait pas dû jouer, enfin, c'est un peu un sketch de voir ça en national, mais ça arrive. Et sinon, sur le terrain, c'est 7 nuls sur 8. Et ça fait quand même 12 points en classement, ça fait 6ème place. Hein. Après, il faut voir le côté positif, ils ne perdent pas. C'est ça, tu perds pas. C'est tout. Et t'avances pas beaucoup quand même avec des nuls. C'est un peu compliqué. Mais s'ils perdent pas, ça reste toujours mieux que. C'est ça. En tête, c'est Concarneau et Dunkerque 15 points. Puis ensuite, on a Martigues, Red Star 13 points. Et puis donc Orléans et Châteauroux avec 12 points. Au même Nancy. Tiens, okay, là. Donc pour l'instant, bon, ça reste au contact du podium, mais il va falloir commencer à gagner et prendre des points. La prochaine rencontre pour Orléans, ce sera un déplacement. Alors il n'y aura pas de match ce week-end. Pourquoi ? Parce que c'est la Coupe de France et que le club de national rentre dès ce 5ème tour. Et d'ailleurs pour Orléans, il y aura une rencontre face au dernier club. Voilà, dernier club du district de alors j'allais dire de Loire, même de la région centre. C'est Neuville-aux-Bois qui va avoir l'honneur de recevoir Orléans à domicile en plus. C'est dimanche à 15h, voilà. Donc pourquoi il n'y a pas de championnat national. Mais le prochain rencontre, ce sera à Sedan et ce sera en semaine. Parce qu'il y aura du coup deux matchs, j'ai l'impression. Ouais, il y aura deux matchs la semaine suivante. Il y aura Sedan, un match à Sedan. Et ensuite, il y aura un autre match à domicile face au Red Star. Ce sera lundi, le lundi soir cette fois. Voilà, donc pour Orléans, pour les deux prochaines rencontres. Et puis avant ça, donc le match à Neuville-aux-Bois pour une belle fête pour Neuville, hein, qui va faire le plein, je pense, pour cette rencontre. Si donc, je dis pas de bêtises, Rémi, Neuville-aux-Bois, c'est un peu la Ferté-Saint-Aubin, c'est ça? Ah, on est sur le même genre de club, ouais. C'est ça. Ah, d'accord. Mais qui est première division. D'accord. Ferté qui est un petit peu en dessous, qui est en deuxième division, mais ouais, c'est un peu le, voilà. En tout cas, c'est un club de district, hein, départemental. Et c'est le dernier club, hein, dans la région qui est encore engagé en district. Et puis, il y a plein d'autres matchs. Donc, voilà, il y a Saint-Jean-le-Blanc, il y aura Saint-Privé, il y aura les gros clubs qui vont aussi rentrer dans ce tour. Châteauroux, voilà. Et puis, donc, tout ça, c'est le 5ème tour de la Coupe de France. Donc, c'est samedi, dimanche. Et après, si je dis pas de bêtises, le 6ème tour, c'est le début du tour national. Donc après, on peut aller dans n'importe quel département, n'importe quelle région. Ouais. Et puis après, un petit peu plus tard, on verra l'arrivée des Ligue 2 et puis des Ligue 1, bien sûr. C'est pas encore le cas. Justement, la Ligue 2, un petit mot pour vous dire que pour l'instant, après la journée, après cette journée qui s'est déroulée ce week-end, c'est la 10ème journée, on a Amiens qui est leader avec 20 points. Avec Sochaux, deuxième. Ouais, Sochaux, Le Havre. Bordeaux pour l'instant en cours mène 2-1 à Laval. Donc pour l'instant, si ça s'arrête là, Bordeaux eh bien serait leader. Si on en reste là, s'il s'impose, pour l'instant ça permettrait de prendre la tête. En espérant qu'il remonte, quoi. Ouais, ouais, c'est un gros club français. Un club qui mérite d'être en Ligue 1, ouais. Mmh. Donc j'ai confiance. Après Saint-Etienne aussi qui sont 18e en Ligue 2 quand même, c'est désastreux. Ouais. C'est inquiétant, hein, qui a encore perdu Des points, ouais, ce week-end, 2-2, qui a perdu, ouais, les deux points. C'est compliqué pour eux. Ouais, très compliqué, et il faudrait moins se sauver. Après, il va y avoir quand même, cette année, 4 descentes, hein. Parce qu'on le rappelle, on va passer sur des championnats à 18. Donc, ça va évidemment être compliqué. C'est vraiment l'année où il faut pas rater le début de championnat, puisque, quatre descentes, c'est énorme. Bah, on va être comme l'Allemagne maintenant. On va être les deux gros championnats à avoir 18 équipes. Donc, c'est vrai, c'est ça. À voir ce que ça donne, quoi, sur le long terme. Mais moi, j'étais plus partisan du 20 équipes. Moi aussi, ouais. Première division, quoi, mais. Voilà, donc quoi, deux montées en Ligue 1, donc pas de barrage forcément, et puis 4 descentes nationales, et puis donc même chose en Ligue 1, justement la Ligue 1, donc un mot la Ligue 1. Avec les résultats donc, de cette journée, c'est ouais. Là qui a commencé vendredi avec Angers-Marseille, c'est ça, Marseille qui avait la primeur de jouer le premier. Alors, c'est vrai que c'est bien des fois de jouer le premier. Ça permet de. C'est ça. D'avoir. Bah après, parce qu'ils ont la Ligue des Champions aussi, parce qu'ils disent mardi. Donc, c'est pour ça. Bien préparer leur défaite, quoi. Donc, Exactement, on en parlera après de la Ligue des Champions. Et pardon, qui jouaient donc les premiers ce week-end. Un succès. Simple, efficace, sans. C'est ça. Sans complications. Trois buts. Une grosse performance de Jonathan Clauss. Aussi. Buteur et double passe B, donc. C'est ça, qui fait un très très bon match, très bon début de saison. Suarez et Gerson pour les autres buteurs, et donc ça avait lancé tranquillement le week-end. Avec ensuite Rennes qui jouait samedi. Rennes qui propose du beau jeu cette année. C'est vrai. Ils ont un potentiel offensif qui est juste incroyable. Je pense que c'est derrière Paris, c'est eux qui ont la meilleure attaque. Ils ont tellement de jeunes joueurs prometteurs, performants, rapides, efficaces. C'est dingue. Et 3-0 aussi, ouais, ils ont fait le boulot. Moi, ils sont spéciaux pour leur coach, Bruno Genesio, qui est un coach incroyable pour moi, qui fait partie des trois meilleurs coachs en France. Ouais, c'est vrai qu'il a bien tourné avec ses clubs précédents. Donc c'est vrai que c'est un coach reconnu. Il a toujours confirmé, toujours proposé du beau jeu. Donc, ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, il soit à la tête d'une grosse équipe française ou même internationale. Donc, à voir par la suite, quoi. Mais ouais, Rennes qui confirme et qui font un bon début de saison quand même. Ouais, 3 à Strasbourg, donc Kalimundo, Terrier et puis Goury. À noter, Strasbourg, c'est vrai qu'il a été réduit à 10 très vite, hein. À la demi-heure, ça n'a pas arrangé les choses pour. C'est ça. Il y a un problème cette année avec l'arbitrage qui est juste choquant. Le nombre de cartons rouges distribués depuis le début de saison est juste stratosphérique comparé aux autres grands championnats. Après, on a toujours eu un problème d'arbitrage en France, mais. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de sur Ligue 1, Ligue 2, beaucoup de cartons qui sont retirés en commission derrière. D'accord. Ça prouve bien que il y a quand même beaucoup. Un problème. Il y a un problème, ça c'est certain. Ouais, sur ce début de saison, c'est compliqué. Le match de samedi, c'était Paris Nice. Samedi soir, ouais. Voilà. PSG Nice, victoire de Paris. À noter que Mbappé était sur le banc. C'est la première titularisation de Hugo Ekitike. Ouais. Malheureusement, qui a pas fait un beau match. Après, il est jeune, c'est un temps d'adaptation. Paris, c'est un gros club, donc il faut un très gros mental pour pouvoir jouer et assumer les retours qu'on a sur les performances, quoi. Mais j'espère qu'il va confirmer dans les mois qui viennent, quoi. Ouais. Après, Galtier a dit que après la Coupe du Monde, il y aurait un gros turnover, donc qu'il aurait plus sa chance. J'espère pour lui que. C'est vrai que cette année, la gestion de la pré-coupe du monde va être très importante pour tous les clubs. Où il y a des internationaux. Ouais. C'est vrai que ça va être là-dessus aussi que. Alors, non seulement les championnats vont se jouer, mais aussi la Ligue des Champions, peut-être aussi. Ligue des Champions, aussi, ouais. Parce que ça va être très important. C'est la première fois que ça arrive, donc c'est vrai que personne ne sait comment ça va se passer. Surtout avec un club comme Paris qui a beaucoup d'internationaux, donc le retour d'après Coupe du Monde, ça va être important. Ça risque d'être compliqué niveau turnover. Quand on voit l'équipe qui était alignée samedi, Donnarumma qui va partir avec sa sélection, Marquinhos. Messi, Neymar, Marquinhos, Hakimi. Ramos, non, il ne devrait pas aller avec l'Espagne, je crois. Moi, je ne pense pas, il n'a pas été sélectionné depuis très longtemps. Après, il fait un beau début de saison. Moi, je suis partisan du Ramos en équipe nationale. Ça reste un très gros joueur avec un très gros mental. Puis l'expérience est énorme. L'expérience, ouais. Et après, très beau but de Messi sur coup franc Enfin, c'est il vrai. Était temps depuis le temps. On retrouve son but sur coup franc. Son pied gauche, un beau but sur coup franc. Et... Sanchez aussi qui partira, je le vois là, parce qu'il c'est sera ça. Aussi Pereira, certainement. Oui, par tous, hein, il n'y a que, quasiment que des internationaux. Hein. Après, qui d'autre que Kylian Mbappé pour donner la victoire. C'est ça. Il est rentré à la 60e pour marquer la 83e. Donc, Important ce but, oui. Ouais, c'est important pour lui, je pense. Il traverse un moment un peu compliqué, beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui se disent sur lui. Donc après, on le connaît, hein, c'est un joueur avec un très gros mental. Pas content, triplé. Voilà, comme il dit, ouais, c'est ça. Pas content, triplé. Il faut pas lui parler d'âge, donc. c'est il ça. A pas mis de triplé ce week-end, mais bon, ça reste un but important qui donne la victoire, parce que si on n'aurait pas gagné, je dis si, on, parce que je suis parisien, bien évidemment, ça aurait été les Marseillais qui seraient devant. C'est ça. Et à deux semaines du. Du classique, le 16 octobre. C'est important ouais, de montrer que. Voilà, c'est ça. Tu es toujours en tête. On reste les patrons, quoi. C'est ça. C'était donc pour. Dimanche. Pour samedi. Dimanche, justement. On avait Lorient qui fait un début de saison surprenant. Surprenant, exactement. Les Merlus qui font un très beau début de saison. Ils sont quatrième ou troisième, si je dis pas de bêtises. Troisième, ouais. Ouais, troisième. Que c'est pas mal. Ouais, avec une victoire encore en fin de match cette fois, mais après, est-ce que ça va durer sur la longueur ? J'ai un peu moins confiance, mais. Alors, après, ils ont un avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe, et puis très peu d'internationaux qui vont partir finalement. Très peu, tu peux dire pas du tout, même, je pense. Oui, j'ai pas qu'il y ait des internationaux. J'ai pas la pression, hein, Mais ça fait plaisir de voir des équipes comme ça en Ligue 1 qui arrivent à être en tête du classement, et même avec Lens qui est un club juste incroyable. Ouais. Quatrième avec 21 points. On va en parler après, mais c'est vrai. Tiens, je vois à Lorient Enzo Lefebvre qui était un joueur de l'USO. Enfin, qui est passé par l'USO il y a quelques années et qui est titulaire maintenant en Ligue 1. Donc, c'est sympa pour. Bravo à lui. Ouais, donc victoire 2-1 face à Lille qui, à l'inverse, fait un début de saison plus compliqué. Ouais, c'est ça. Toujours dimanche, on avait Toulouse-Montpellier. C'était donc après dans la foulée. Hein, donc victoire de Toulouse 4-2. Une victoire écrasante. Ouais, malgré une fin de match à 10, hein, toute la dernière demi-heure. Et ça après, on revient encore sur ce fait-là, mais juste sur la journée de dimanche, il y a 4 cartons rouges. Ouais. Encore, ouais. Ça reste conséquent, quoi. C'est beaucoup. Donc, Toulouse, ouais, qui, avec sa victoire, permet de remonter au milieu de tableau. Donc, victoire 4-2. Toujours, donc, dimanche 15h, l'un des deux matchs nuls de la journée, c'était 3-Reims, 2 buts partout. Voilà, entre 3 et Reims. Là aussi, et encore un. Brest. Encore un rouge, ouais, sur ce match-là. Et Auxerre-Brest, 1-1 également. Et encore un rouge sur ce match-là. Ouais, Auxerre-Brest, encore un, ouais. Et Auxerre qui s'en sort en fin de match, hein, qui a égalisé à la 86e. Ouais, sur penalty. Et c'est bien pour Auxerre qui remonte et qui avait besoin de points. On a aussi victoire de Clermont à Ajaccio 3-1. C'est ça. Ajaccio, pareil, qui c'est compliqué. Ah, je pense qu'ils vont redescendre à 4 points en 9 matchs. C'est très compliqué déjà. Clermont qui s'impose donc là aussi en fin de match 89-91, hein, ça s'est joué à la fin. Il fallait pas partir avant la fin parce qu'il y a eu deux buts vraiment tardifs et ça a permis Clermont de s'imposer. 17h c'était Monaco Nantes. Monaco qui enchaîne. Ouais. 4-1 avec un triplé de Ben Yedder. Je pense qu'il peut pas mieux faire niveau timing. C'est qu'il a pas été appelé pour la Ligue des Nations. Oui. Mais là, je pense qu'on est reparti sur une sélection de Ben Yedder, quoi. Ouais, c'est bien possible. Là, du coup, il a fait le boulot. C'est dommage la petite accro en fin de match qu'a eu Enrique qui a marqué dans son but. Ouais, c'est pour la des choses qui arrivent. Le plus important, c'est les 3 points, je pense. C'est ça. Qui enchaîne une 4e victoire, hein, Monaco. C'est important après un début de saison compliqué. Ouais. Qui remonte 5e. C'est ça. Ça permet de regrimper au classement. Et enfin, hier, on attendait pour Lyon, une vraie action. Hein. C'est très compliqué pour Lyon cette année. Mais c'est triste de voir un club comme ça 7e, surtout que Jean-Michel Aulas a tweeté après le match et qu'il a pris position en disant qu'on est 7e, que c'est une bonne saison. C'est triste, surtout connaissant le passé de Lyon, que c'est un très très gros club français. Et qui se contente d'une 7e place, c'est triste. C'est dommage, oui. Et Lens, ouais, qui on a parlé, a fait par contre une saison grosse saison. Confirme la saison de l'année dernière. C'est ça. Dire qui est, ouais, avec des joueurs comme Fofana qui sont juste stratosphériques. Et pourtant le départ de Klos. Hein. Le départ de Klos, exactement. Malgré tout. Bah c'est ça qui prouve que c'était un collectif et qui n'était pas basé uniquement sur un ou deux joueurs. C'est ce qui fait leur force. C'est ça. Et en espérant que ça continue, et j'aimerais bien voir des matchs européens à Lens, quoi, avec le public qu'ils ont, ils méritent, je pense. Ouais, ouais, ouais, ça peut être fou, ouais. Ouais, c'est ça. J'espère que pour la saison prochaine, qu'ils y soient, quoi. Donc 1-0, sur tout cas pour Lens. Le classement. Paris reste leader avec 25 points. Marseille est deuxième. 23 points et les deux meilleures défenses, 5 buts encaissés seulement. C'est ça. Pour les deux clubs. Mars Paris, par contre, il a évidemment la meilleure attaque. Lorient. Bien évidemment. Avec tous les cartons qu'il y a eu. Lorient, donc, on le disait, 3ème, 22 points. Toujours là. Qui a d'ailleurs 5 victoires consécutives. Hein, c'est le même bilan que Paris. Lens est 4ème, 21 points. Ça, c'est assez serré. Après, il y a une petite marge quand même, parce que Monaco est 5ème avec 17 points. On a déjà un petit peu d'écart. Rennes, 6ème, 15 points. Lyon, on le disait, 7ème, 13 points. Comme Lille d'ailleurs. Plus bas, Nice est un peu plus inquiétant encore, 13e, 8 points seulement. Comme Auxerre ou Angers, c'est quand même inquiétant pour Nice, hein, qui était l'une des équipes. Bah, Nice, je pense que ce qui faisait leur force l'année dernière, c'était Galtier. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, c'est un peu compliqué avec Lucien Favre, qui est revenu, donc il y a anciennement aussi qui est coaché à Nice. Donc ouais, il est revenu, mais ça a été un peu plus compliqué. On lui a imposé des recrutements, comme le gardien, Peter Schmeichel. Le milieu, Ramsey, des joueurs qui ne le voulaient pas, mais qu'on lui a imposé, donc je pense que c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour eux cette année, quoi. Ouais, et puis il y a la Coupe d'Europe, un joueur en parallèle, et ça a pas l'air de les aider. Hein. C'est ça. Donc on va voir. Ça reste un gros club, donc la saison est loin d'être terminée, c'est vrai, que de commencer, donc c'est faisable. Et en bas, donc Brest, 6 points, Strasbourg, 5 points, et puis Ajaccio, 4 points. Un petit point sur la journée qui arrive, c'est donc Lyon qui va démarrer vendredi, puisque Lyon n'a pas de coupe d'Europe, donc ils peuvent jouer vendredi, donc face à Toulouse, ouais. Samedi, on aura les deux clubs rivaux, Marseille et Paris qui joueront. Marseille recevra Ajaccio. Bon, a priori, ça devrait bien se passer, hein. Ça, c'est une équipe qui est mal placée. Et puis Paris ira à Reims. Là aussi, a priori, pas trop de problèmes. Ancien club d'Equitiqué, donc qui va jouer. Ah, peut-être. Bien, mais le gros choc de la prochaine journée, c'est lundi, dimanche soir, le derby du Nord. Et évidemment, Lille-Lens, ouais. Un bon Lille-Lens, donc qui promet pas mal de bonnes choses. Et pour lui, c'est important, ouais. Avec aussi un autre derby, on pourrait dire un derby où il y a Rennes-Nantes. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais, le derby de Bretagne, même si bon, pour beaucoup de gens, c'est pas la Bretagne, mais ça fait un débat. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est l'un des rendez-vous attendus par les deux clubs à chaque fois. Et puis, Monaco ira à Montpellier de leur côté, en début de dimanche. Par contre, on aura un vrai derby de Bretagne, Brest-Lorient. Ouais, là, ce sera le. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là, c'est sûr. Pour le coup, là, c'est clair. Donc, ça, ce sera tout ça dimanche. Donc, un beau rendez-vous. Une belle journée foot. Ouais, c'est ça. Avant tout ça, il y aura bien sûr toutes les Coupes d'Europe. La Ligue des Champions. C'est le retour, déjà. À partir de demain. Quatrième journée, ouais, ça y est. Avec de sacrés matchs, quand même. Un gros Inter-Barcelone. C'est vrai qu'on peut faire un petit point sur tous les groupes rapidement. Les rencontres, ouais, c'est ça. Du coup, demain, une équipe française qui joue. Ouais. Marseille, donc, qui peuvent, là, tout se joue là sur ce match-là, parce qu'à noter qu'ils sont sur deux matchs, 3 buts encaissés, 0 buts marqués, 0 points. C'est ça. C'est déjà le. Après, ça reste Marseille, quoi. C'est des stats auxquelles on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, mais pour l'honneur de la France et surtout pour les points en l'UEFA. Ça sera important de gagner, là, ouais. C'est important de gagner, ouais. C'est déjà le tournant pour eux de la compétition, et il faut pas perdre. Ah oui, c'est certain. Pour moi, le tournant, c'était le match contre Francfort, à la dernière journée. Ouais, déjà. Ça devait être gagné, mais là, ça risque d'être compliqué. Après, ce qui est bien pour eux, c'est que on a une équipe en tête avec 6 points. Oui. Et les deux autres derrière à 3 points, donc une victoire suffit pour monter sur la deuxième place, donc à voir. C'est ça. Donc ça, ce sera demain. Alors, ils joueront par contre à tôt, à 18h45. C'est ça. Ils joueront pas à 21h. Donc on aura à 21h, par exemple, Inter-Barcelone. Ouais, Inter-Barcelone, ce sera l'affiche peut-être de cette journée. L'affiche. Hein. Après, on a un beau Ajax-Naples pour les amoureux du foot. Oui. C'est vrai, c'est ça. Deux équipes qui produisent du beau jeu. Ça risque d'être un beau match. C'est ça aussi, c'est demain. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on a demain comme. Après mercredi ouais. Également de beaux matchs. Ouais. Alors, on est remis sur Paris qui va. Qui se déplace à Benfica. Qui va se déplacer ouais, dans un stade où c'est compliqué toujours. Hein. Ah, c'est, ça reste compliqué. Je pense que tous les stades au Portugal sont. C'est un club de foot. C'est un pays de foot, excuse-moi. Ouais. Donc, n'importe où on joue au Portugal, forcément, ça met un peu de pression, mais ça reste Paris, logiquement. Et je pense que leur objectif, c'est avec des champions. Ils se doivent de gagner. Et là, c'est important, c'est que. En cas de succès, Paris s'envole au classement. Il prendra 3 points d'avance sur Benfica. Ça sera important. Et la Juve peut prendre ses premiers points. Il faudra y prendre d'ailleurs. Pour c'est là, ça sera important. Et après, on est sur un gros match également mercredi. Pour moi, l'affiche de ces deux journées, de ces deux jours de match, c'est Chelsea-Milan. Oui. C'est un sacré match. Alors, deux équipes historiques du football européen. Milan qui fait un très beau début de saison. Chelsea un peu plus compliqué avec le départ de Tourelle. C'est vrai. Donc, ça reste un beau match à voir. À voir en espérant que notre Giro national marque contre son ancien club. Ouais, c'est vrai que ça va être aussi important pour lui. Ah, c'est, hein. c'est son retour à Chelsea depuis qu'il est parti. C'est vrai. Ça va être sympa aussi à suivre. À voir ce que ça donne. Le Real recevra Donetsk. Voilà. C'est ça. Qu'ils ont l'habitude de jouer d'ailleurs, mais ça devrait plutôt bien se passer. Manchester City qui accueille Copenhague. Ouais. Voilà, pas trop de soucis. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'accro pour eux. Donc, à voir. Et Séville Dortmund aussi qui peut être un beau match. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, C'est ça qu'on aime avec la Ligue des Champions, des affiches comme ça en milieu de semaine, c'est pas mal. Alors, on parlait du dernier sujet UEFA tout à l'heure qui était important. Et ouais. C'est vrai que la marge se réduit encore pour la France. Dans pas longtemps, si on continue comme ça, on fera plus partie des 5 grands championnats. Ah, ouais. C'est triste, c'est très très triste. Après, ça fait quoi, deux ans, on va dire que. C'est Paris qui porte la France en Europe. Oui, ah oui, c'est sûr. Oui. Lors de la dernière journée européenne, il n'y a que Paris qui a pris des points. Tous les autres, c'est soit des défaites ou match nul. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on espère que Marseille fasse une bonne performance demain. Ouais, ça sera important pour tout le monde là. Donc l'avance qui a encore un petit peu baissé, on rappelle, c'est la 5e place au classement. C'est la Russie en 6e. Pays-Bas ou Portugal? Qui sont Pays-Bas, avec l'Ajax qui font une belle performance. Qu'ils peuvent compter que sur l'Ajax ou à la rigueur le PSV. Mais... Donc la France pour l'instant totalise 52 points, les Pays-Bas 50 points et le Portugal 49. Voilà, donc c'est encore un peu plus réduit. Il faudra. Faut confirmer. Ouais. Il faut plus tout donner à Paris. Mais... Alors pourquoi c'est important d'être cinquième, évidemment, c'est que ça donne 4 clubs dans la prochaine formule de Ligue des Champions. On rappelle qui va bouger, alors c'est pas l'année prochaine, c'est celle d'après. 2023-2024. Ouais, voilà. Donc il y aura 4 clubs dans cette nouvelle formule, 3 qualifiés et un tour préliminaire pour le dernier. Et ce sera donc, 2024-2025, ouais, c'est encore après. Ok. Et le sixième, celui qui sera sixième à l'indice, on aura seulement 3, 2 plus 1, donc ça change beaucoup de choses. Et puis le 7e, 1 plus 1. Donc, et surtout aussi le fait de se dire qu'on fait partie des 5 plus grands championnats et que ça serait vraiment triste. Ouais, depuis Yatou. On laisse cette place-là, quoi. C'est sûr. En Ligue Europa, on aura Rennes, donc qui recevra le Dynamo Kiev. D'accord. Qui est leader, donc Rennes, donc il faut continuer dans cette dynamique, hein, c'est bien pour Rennes. C'est un peu moins réjouissant, ça, quoi. Ouais. Nantes, il fera Fribourg, Nantes qui est troisième avec 3 points, donc pas détaché. Et puis Monaco recevra Trabzonspor. Monaco est à 3 points aussi, comme Trabzonspor, donc ce sera aussi important de gagner. À savoir que Trabzonspor est le champion en titre en Turquie, tout à fait. Un gros club. Un gros club. C'est à domicile déjà, c'est parce que les règles là-bas, ça va être compliqué. Hein. Le déplacement. À domicile pour Monaco, c'est pas. Ouais, c'est pas vraiment à domicile. Ouais. C'est ça. Et puis enfin, on a Nice qui a la peine en championnat et qui est aussi qualifié toujours pour le moment en Europa Conférence et qui est troisième avec 2 points seulement. C'est compliqué aussi pour eux. Et déplacement en République Tchèque. Sacré déplacement quand même. Sacré déplacement, c'est clair. Ouais. Ce sera jeudi en fin d'après-midi aussi, 8h45. C'est le club qui est dernier. Donc là aussi, il faudra absolument gagner pour ne pas dire au revoir déjà peut-être à les compétitions. C'est ça. Voilà la semaine européenne. Donc demain, mercredi, jeudi, vous l'avez compris. Puis à partir de vendredi, la Ligue 1 revient. Donc c'est non-stop à partir de demain. Il n'y aura pas de coupure. Il y aura du foot tous les jours. Donc, beaucoup et bientôt la Coupe du Monde. Et voilà. Dans un, gros mois. Tu as vu les dernières informations qui sont tombées. Pas de, d'écran géant en France quasiment. C'est vrai, notamment Marseille, ouais. Et surtout Paris qui a confirmé qu'il n'y avait pas d'écran géant. Aussi Paris. Ouais. C'est bien triste pour une Coupe du Monde quand même. Mais... Ça va être particulier, c'est vrai, cette Coupe du Monde en fin d'année. Pas d'écran géant, pas de barbecue. Ça va être vraiment une autre compétition. Là. Mais ça reste une Coupe du Monde quand même, donc on espère une belle performance des Français. C'est ça. Et qu'on garde notre titre, quoi. Bah, c'est ça. Pour l'instant, toujours le pays qui a le plus, qui a le plus gagné, enfin, qui a été le plus longtemps champion du monde. 4 mois et demi, il y a eu 4 ans et demi, il y a eu 6 mois supplémentaires. Ah oui, une petite année heureuse, je ne savais pas cette anecdote. Donc, on a été le pays qui a le plus conservé consécutivement 4 ans. Cette année, ça va être compliqué. On a pas mal de belles équipes. Pour moi, l'un des favoris, c'est le Brésil. C'est vrai. Ouais. Qui ont une équipe juste, niveau offensif, milieu de terrain, défensif, c'est impressionnant. Ça risque d'être le grand retour du Brésil, j'ai l'impression, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est possible. Donc la France, on le disait, pas mal de blessés, on espère qu'ils sont de retour rapidement. C'est ça, surtout nos cadres, quoi. Ouais. Et tout ce qui est Kanté, important, je pense, qu'ils soient là. Ouais, tous les gros, Benzema, c'est un peu plus compliqué avec tout ce qui lui arrive ces derniers temps. Ouais, c'est délicat, puis il sera pas retour au top. Bah, j'espère, pour moi, ça reste un cadre, même qu'il soit prêt ou pas, faut qu'il soit là. Ouais, oui, au moins qu'il soit là, même si, ouais. On verra. S'il est remplaçant, on verra bien. Du moment qu'on a notre Kylian national et puis Karim, oui, c'est ça. Qui est bientôt Ballon d'Or. Normalement, c'est quoi c'est en octobre, ça doit être le 26 octobre. C'est ça, ça arrive vite. Hein. Tiens, dimanche, si je dis pas de bêtises, alors justement l'un des une des conséquences de la fin de la Ligue des Nations, c'est l'identité des chapeaux pour le tirage au sort de l'Euro, qui aura lieu dans 2 ans déjà. Hein. Bien sûr, ça arrive aussi assez vite. Le tirage a lieu tôt, mais parce que les qualifs vont arriver aussi juste après la Coupe du Monde. Hein, d'ailleurs, ça va sonner assez vite. À sortie de Coupe du Monde, les qualifs vont démarrer. Et donc cette Ligue des Nations, on rappelle d'ailleurs au passage qu'elle est qualifiée, c'est la Croatie, l'Espagne, qui avait passé devant le Portugal en fin de sur le dernier match, hein, qui a battu le Portugal 1-0. Donc qui s'est qualifié, l'Italie aussi qui s'est qualifié lors de son dernier match, et les Pays-Bas qui étaient déjà qualifiés d'ailleurs depuis un moment. L'Italie qui n'est pas la Coupe du Monde. L'Italie qui n'est encore pas la Coupe du Monde d'ailleurs, c'est vrai. Donc ces 4-là, donc Pays-Bas, Italie, Espagne et Croatie font partie du dernier carré d'élimination. Bon, qui est encore une compétition très jeune, et donc il n'y aura pas de France, évidemment très loin d'y être, mais il n'y a pas d'Allemagne notamment. Les plus grosses nations ne sont pas là. Hein. C'est la vrai. France, c'est un peu un titre, la Belgique. Un peu de compétition au rabais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et l'Angleterre, d'ailleurs, qui va même descendre hein, en Ligue B. C'est une des. Ok, nous, on l'a échappé peu. Hein, ah ouais. On a échappé peu, par contre. C'est l'Autriche. Oui. Ce qu'on a, on a échappé de peu cette descente. Par contre, ce qu'on n'a pas échappé, c'est le chapeau 2 de ces éliminatoires de l'Euro. Donc, dans le chapeau 1, on retrouve Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, c'est logique puisque ils sont qualifiés pour les demi-finales d'élimination, donc c'est normal. On retrouve le Danemark. Alors en fait, simplement pour faire ces chapeaux, c'est simple, c'est qu'on prenait, on faisait un classement de toutes les équipes de la Ligue A en fonction des points, et ça en ressort que donc Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, forcément ils sont. Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne, ça c'est le chapeau 1. Qui sera donc pour cet euro, c'est qualifié de l'euro. Chapeau 2 donc contre la France. En fait, ça s'est joué à peu de choses puisque c'était dans le chapeau 1, on a retrouvé les 11 premiers du classement des 4 groupes d'élimination et la France est 12e. Voilà, ça s'est joué à une place près. Mais avec cette dernière défaite en Autriche, voilà, ça a fait 12e place. Je sais même pas si avec une victoire ça aurait suffi d'ailleurs parce que la Pologne qui était la dernière équipe à 7 points et la France on a terminé à 5 points. On soit dans le chapeau 2 ou 3, 4, j'ai confiance. Oui, bon après, ouais. C'est. Donc voilà, France, après il y a pas mal d'équipes beaucoup plus faibles évidemment. Autriche, République tchèque, Angleterre, aussi chapeau 2, hein, Angleterre évidemment. Pays de Galles, Israël. Enfin, oui, ça on va dire de regarder les matchs, mais bon. C'est ça. Donc en tout cas, chapeau 2, c'est pas évidemment une catastrophe, mais le tirage au sort. Ce sera alors je vais retrouver ça, j'arrive pas à le trouver. Normalement c'est dimanche, c'est ça, c'est dimanche le 9, donc tirage au sort pour les qualifs. L'Allemagne qui est déjà qualifiée puisqu'elle va accueillir la compétition en 2024. Hein. Ah c'est l'Allemagne qui est, ok. Ouais. Donc après avoir organisé la Coupe du Monde 2006, bah va organiser et recevoir l'Euro. Si tu peux éviter de parler de la Coupe du Monde 2006, s'il te plaît. Encore trop tôt, ouais. Encore trop tôt. C'est un peu trop tôt là. C'est vrai. Donc dimanche, tirage au sort et puis ensuite pour les qualifs, les deux premiers hein, sur le, donc ça va. Hein, les deux premiers se qualifient pour la phase finale. Et le début des matchs, j'ai pas les dates là, mais ça va arriver juste dans la foulée hein, de la Coupe du Monde. Voilà pour être complet sur l'équipe de France et ses qualifs qui arrivent très vite. C'est fini, on a tout parlé de tout. On a fait le tour, je pense. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, hein. Je pense que c'est pas mal. Hein. On a pas mal d'événements qui arrivent, que ce soit avec des champions, la Coupe du Monde. Donc, on va suivre ça de près, quoi. Ouais, tout à fait. Un mot des directs, c'est ça finit en Ligue 2. Bordeaux s'impose 2-1 donc à Laval et prend les commandes de la Ligue 2, à la différence de but sur Amiens. En Angleterre, donc Leicester 4-0 désormais. Donc, ouais, c'est plié, il reste 3 minutes. Face à Nottingham Forest. En Espagne, Rayo Vallecano Elche 1-1. Il reste pareil, c'est le temps additionnel, donc c'est presque terminé. Et en Italie, c'est fini. Udinese s'est imposé face à Yazern dans le temps additionnel 93. Et ça permet à Udinese de passer 3e. Et de à passer... noter aussi, on en a pas parlé, mais un joueur très prometteur de l'USO, Bino Kouassi. Oui. Qui fait un bon début de saison. C'est vrai, à signaler, oui. À signaler, donc j'espère qu'il va confirmer. Jean-Paul, hein. Jean-Paul, ouais, c'est ça. Il avait joué au stade de Rennes, il me semble, chez des jeunes. Qui avait fait quelques matchs, en pro. Ouais. Donc j'espère qu'il va confirmer, quoi. Bah, à suivre. On va suivre ça de près, donc un jeune prometteur. À voir. On espère le revoir très vite. C'est ça. Merci à toi, Rémi, je pense qu'on a fait gros que point. Je pourrais passer une ou deux dédicaces. Avec plaisir. Ouais, alors je vais dédicacer des collègues de travail. Ben, Pauline, du coup, Pauline et Valentin. Et ben, les embrasse. On les embrasse. Et avant de te libérer, le programme de la semaine, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Alors, on va refaire un petit point sport par sport. Dimanche, c'est le Grand Prix du Japon. Alors, ça peut être déjà de la fin pour le championnat si Max Verstappen s'impose, il pourrait être déjà champion. Je pense que il a pas eu beaucoup de concurrence cette année avec Mercedes qui gère mal leur voiture, Ferrari aussi, c'est une catastrophe cette saison pour eux. Ouais, c'est vrai. C'est très logique là pour ce qui se passe. Hein. Et ça aurait pu être déjà le cas hier, ça s'est mal pas très bien passé pour lui, mais le Japon ça devrait être là peut-être l'étape qui va le titrer encore une fois. Donc ça c'est dimanche, Grand Prix. Du Japon, voilà. Alors, je crois que c'est d'un horaire, ça va être un horaire particulier puisque c'est décalage horaire, je pense. Ouais. Singapour était en après-midi parce que c'est toujours la nuit là-bas, mais je crois que le Japon, ce sera un horaire bien différent. J'essaie de trouver ça, mais ça sera probablement pour le coup en matinée ici, puisque là-bas, ce sera le soir. Donc ce sera en début de matinée. Okay. Ça c'est donc pour la Formule 1. On aura donc côté tennis, il n'y a pas grand chose cette semaine. Djokovic joue quand même cette semaine l'un des tournois de la semaine. Voilà, pas un gros tournoi, mais il a besoin de points, on le sait, pour la fin de la saison, pour le Master. Donc pour l'instant il joue. Il a gagné hier, il va rejouer cette semaine pour essayer de gagner des points, pour se qualifier pour le Masters. Pas de problème pour lui, ça devrait bien se passer. Pour le tennis, donc c'est l'actualité pour la semaine. Et puis en football, on le disait tout à l'heure, toute la semaine ça va s'enchaîner dès demain. Donc demain c'est Marseille à domicile. Je sais plus si c'est à domicile. Oui, c'est à domicile contre Sporting. Contre Sporting, Portugal. Victoire impérative pour continuer d'y croire et ce sera à 18h45 par contre notez bien ce sera plus tôt pour Val, attention c'est tôt. Bon, ouais, c'est Il est en vacances, il me semble, donc il a de quoi faire. Il a de quoi, ouais, ça devrait bien se passer. Voilà. Mercredi, c'est le tour de Paris. Donc, en déplacement à Benfica, Lisbonne. Benfica, ouais. Là, pas simple, voilà. Mais une victoire permettrait de seul en tête. Donc ça, c'est mercredi soir. D'autres rendez-vous, direct, je vous le disais, d'autres rendez-vous avant ça. Demain et mercredi, il y aura d'autres matchs qui seront aussi sympas. On en a parlé tout à l'heure. Pour les fans de foot, donc on se réjouit. Ouais, ça, il y a de quoi se régaler. Jeudi, c'est le tour des clubs de Monaco, Rennes et Nantes. La Coupe en Nice. Photo. Ouais, la Coupe peut enrouler. Ça, c'est jeudi. Donc les quatre autres clubs français qui seront là, pour certains 18h45, pour d'autres 21h. Voilà, s'il faut gagner pour marquer des points importants pour la Ligue, on en a parlé tout à l'heure. Et puis à partir de vendredi, le retour de la Ligue 1, bien sûr. Pour la Ligue 1. Tous les championnats européens, bien sûr, aussi seront au rendez-vous. Et puis Orléans jouera en Coupe de France, on le disait tout à l'heure. La rentrée des équipes de national à la compétition, le rendez-vous pour les amoureux d'Orléans, c'est dimanche à Neuville-aux-Bois. Oui, dimanche donc à Neuville, sur le petit terrain, le petit stade de Neuville, et il y aura une grosse ambiance normalement si tout va bien, et une grosse fête pour cette équipe de district qui sera la dernière de à ce stade en région centre, et donc grosse fête face à Orléans. Voilà les rendez-vous de cette semaine à suivre. Plein de choses, plein de sports, il y a de quoi se régaler. On va se quitter avec un dernier titre, et tu vas avoir le choix du dernier titre d'ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'ils sont fatigués, tes auditeurs, ou encore? Oh, non, le temps, oh, non, 23h, ça va encore. Bah, tu sais, je te laisse le choix, j'ai pas trop d'idées là, parce que je suis un peu fatigué aussi, mais qu'est-ce qu'on peut mettre? Un bon Johnny, non? C'est pas assez réveillé là, je pense. C'est tard. C'est peut-être trop tard. Un petit Stromae. Allez, on va prendre un Stromae. Allez. Alors, lequel? Parce qu'il y en a beaucoup. Je vais donner l'artiste. Allez, j'en ai un, c'est bon, il va partir. D'ici là, donc, bien, merci à toi, Tahar. On se retrouve très vite. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, d'ici là, bonne soirée à vous, bonne nuit, bonne semaine. Bonne soirée à toi, pirate. Bonne soirée aux pirates, à tous les pirates. Et puis sinon, on se retrouve lundi prochain, bien entendu, même heure, 20h30. Même heure, même rendez-vous. Même rendez-vous, même station. D'ici là, vous portez-vous bien. Et on se quitte avec Stromae, c'est parti. On va écouter donc ce titre qui va démarrer dans une poignée de secondes, le temps de passer la petite pub qui va bien, évidemment. Et on se retrouve après ça pour le dernier titre. Et donc lundi, c'est tous les mêmes, pour finir avec Tomé. Bonne soirée à vous, bonne semaine, portez-vous bien. Merci, Tahar. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Ciao. Les hommes, c'est tous les mêmes. Macho, mais tu prends de mon vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance que vous êtes. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla, mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, y aura des absents. lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Nós podemos cá na ainda fatar-se na telha, mas a Taquara é uma espécie de cana. Aliás, quem não se lembra, né, do Oscar Taquara Cardoso, que era o grande ponta de lança do Benfica, e o nome Taquara quer dizer uma cana alta e estreita, porque o Oscar Taquara Cardoso era muito magrinho quando era jovem. É verdade. E diziam que ele parecia uma cana. Estão a ver as canas, aquelas que nós vemos nos canaviais? Sim, sim, sim, está, sim. Em Portugal também. Portanto, é uma tainha cozinhada na cana, portanto, na, na,